Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh oui, oh là là, mais quel bonheur. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Les Floodcast de l'été, j'ai envie de dire, les Floodcast du bonheur. Mais oui, parce que les gens, c'est quoi, c'est les vacances en fait. Pas pour nous. Nous, on turbine, on charbonne, tout simplement. J'ai plus d'autres synonymes, j'en ai cherché, j'en avais pas d'autres. Et comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de trois invités. La première, elle a plus de 300 000 followers sur Twitch. Elle offre sur son stream des heures de gaming, mais aussi des ateliers poterie, cuisine, peinture, jardinage, bref. Elle fait plus d'activités en stream que moi dans la vie. C'est Magla. Oui, coucou. Ses courts-métrages cumulent des millions de vues, on est très chiffres hein, aujourd'hui. Elle est comédienne, scénariste et même chanteuse sur Internet. Elle a plus de casquettes que je n'ai de jeans propres, c'est Amy Elter. C'est la meilleure description. Attends, j'en ai un. Donc et t'es en jogging. Et je suis actuellement en short. Autrice, journaliste, elle s'est intéressée à la mort, aux menstruations et dans son dernier ouvrage aux sorcières, elle a donc les mêmes centres d'intérêt qu'une chauve-souris. C'est une des plus anciennes invitées du Floodcast. Elle a marqué l'histoire de cette émission avec une mitaine sacrée. C'est Taos Merakchi. C'est marrant, t'as pas parlé de chiffres pour moi. Non. Si Hollywood a Adrien Brody, nous on a Adrien Broderie, car il taille des costards. Champion du prêt à blaguer, tenez-vous bien droit, il va vous rhabiller pour l'hiver, ou plutôt pour l'été. Pour l'été. C'est l'équivalent de Karl Lagerfeld en moins allemand et moins mort, c'est Adrien Méniel. Et moins sexiste et moins raciste aussi. Ouais, hein, tout de suite. Mais j'essaye d'être de plus en plus ringard à chaque présentation, j'adore. C'est mon but. Puis moi je vieillis en plus, c'est très bien. C'est parfait. C'est les meilleures descriptions. Je me suis renversé la moitié de ma canette de soda. Ah, oui, vraiment. Oui. Attends, bon, je vais chercher un petit chiffon. Non, c'est bon, ça va sécher. Écoute, c'est l'été, c'est du sucre. C'est du sucre. Adrien, meuble. Ikea. Mais faisons la présentation de Flaubert. Ah ouais, bah vas-y, moi je suis fatigué hein. Non, Adrien, on a vraiment les peignoirs et les bermudas, non, non. Ainsi que les t-shirts Uniqlo de groupe et de dessins animés que tout le monde connaît déjà. Il est blanc t-shirt. Oh mais attends, tu n'as aucune référence pop culture. Incroyable, c'est la première fois que Flaubert, on va prendre une photo. C'est vrai qu'il est très neutre. Oh là là, le mec. Il sort de d'école de commerce là. Il va boire du vin sur les. Il y a le Brenstow à midi, c'est simple. Oui, il faut le mettre sur les quais Canal Saint-Martin. Il boit du rosé avec des glaçons. Il a une petite ficelle et puis il met la bouteille dans le canal, tu vois, pour qu'elle reste au frais. Et il pisse dans le coin du pont. Voilà, ouais. C'est donc lui. Il ne respecte pas les gestes barrières. Et c'est à cause de lui qu'on aurait une deuxième vague. Finance quand même, j'en ai fait 3 ans. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça c'est une info. Cette émission t'est dédiée. On passe à la première partie de cette émission, il s'agit de l'actualité. Et oui, alors première actualité, quelle solution a trouvé la gendarmerie française pour renflouer les caisses? J'ai fait Chirac sur le français, je m'en suis rendu compte. Plus d'amendes? Oh non, pas du tout. Ils ont vendu tout ce qu'ils ont perquisitionné? Non, ça a été une bonne idée. Ça a été une très bonne idée. Ça, ils le font de toute façon. Mais dis-toi que t'es pas si éloigné parce qu'on est sur une histoire de revente. Répète la question parce que j'avais envie de roter, j'étais concentré. Ah, mais je comprends. Okay. Moi aussi, quand j'ai envie de roter. C'est vrai que je comprends. Une info à la fois pour moi. Je comprenais pas pourquoi tu fixais le plafond. En fait, c'est juste que t'avais envie de roter. Quelle solution a trouvé la gendarmerie pour renflouer les caisses? Vendre de la drogue. Non. Donc c'est une histoire de revente de quelque chose. En tout cas, on est dans du commerce. Ils ont créé un OnlyFans. Non. J'allais dire un calendrier genre les dieux du stade, mais là les dieux de. Les dieux de la bac. Qu'est-ce qu'il a, cab? Non, ils donnent des cours d'un truc. Non, on était vraiment dans de la vente. La vente. Ils font des produits dérivés, oui, non, c'est ça. Et ben vous avez complètement raison. Non, il s'agit en fait meugle siglé garde républicaine, clé USB estampillée GIGN, montre, bouteille isotherme. Mais c'est le bon moment, ça va cartonner. Hein. C'est vraiment pile. Ou même casque de gaming. Je pense à toi, Magla. N'hésitez pas pour une sponsor. La gendarmerie nationale a ouvert sa boutique en ligne. Ils ont proposé au grand public des produits dérivés. Voilà. C'est super avec tous les faits divers en ce moment. Ce qui était une bonne idée. Le timing est parfait. Aussi. Ah bah en plus, histoire d'en gagner un peu. peu de thunes. Ah non, mais trois marques sont disponibles: Gendarmerie nationale, Garde républicaine et groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Ces trois marques ont été déposées à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Bah, la gendarmerie déposé. Explique ce geste par le besoin de diffuser et de valoriser son image. Qui est un peu en berne en ce moment. Étonnant, bah, ça. Hein, c'est... Et ils se sont dit, on va faire de l'oseille comme ça, on prend grave. Sinon, pas tuer des gens, peut-être. Ah ouais, mais propose. Je vous rappelle que vous êtes sur un podcast de gauche. Hein, non, mais n'ayez pas peur, hein, on ose dire les choses. Le puits du fou, c'est la merde aussi. On va y venir. C'est notre créneau. On a un créneau en ce moment, on est en bisbille versus le puits du fou. Mais on y reviendra. J'ai envie d'en savoir plus. La NASA a lancé un grand appel à projet. À votre avis, qu'est-ce que cela concerne? Tu veux que je monte ton casque? Oui. Non, le micro. Ça à moi. Le micro, pardon. Voilà, normalement, okay, c'est monté. Vas-y, je monte ton micro. J'ai pas de consigne devant moi. Tu fasses passer pour pas que je sois. Mais oh, je suis merde. Un sous-fifre. Bon. je ne connais pas les boutons. Donc, la NASA a lancé un grand appel à projet. À votre avis, qu'est-ce que cela concerne? Est-ce que c'est un projet en rapport avec l'espace ou absolument pas? Si, avec l'espace. Ça aurait été des drôle solutions. Que ce soit autre chose. Si vous avez des idées de produits dérivés. De création d'une nouvelle technologie, quelque chose comme ça? Alors, on est un peu là-dedans. Sur Twitch? Non. Oh merde. Ouais, bah. Non, mais attention à la fausse piste, mais on est dans une nouvelle technologie, mais on n'est pas non plus sur marcher sur le soleil. La VR. La VR pour être sur une planète? Non, c'est pas ça. C'est moins, un peu moins. Non, c'est pas ça. Des notifs? Voilà. Des notifs sur l'hôtel? Non, c'est pas ça. De technologie, hein, je sais pas. Des pop-up? T'es pop-up, peut-être, je sais pas. Un fond d'écran, ils ont fait une série de fonds d'écran pour téléphone. Non. C'est bien parce que vous avez, enfin comment dire, vous rêvez, vous avez des étoiles dans les yeux. On est vraiment sur l'appel à projet de la NASA, donc vous c'était pouvez aller un petit peu plus. C'était de l'humour. Aller vivre sur Mars. Non mais pardon. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non. Alors on est sur ailleurs que la Terre, mais c'est pas vivre sur Mars. C'est du tourisme, non? C'est pas lié au tourisme, tout ce qu'ils voulaient lancer là dans très longtemps. Mais non. Toi t'as une idée, toi t'as c'est tapé ta tête. C'est vivre dans sa tête. Non mais on pourrait croire que c'est financé effectivement par tous les t-shirts et blousons NASA qui sont en vente partout depuis 3 ans. C'est vraiment H&M, il n'y a que, mais moi aussi. Oh là là. H&M, il n'y a que ça. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un appel à projet pour. Donc c'est faire un truc dans l'espace. Ouais, voilà, c'est une technologie. Même si le mot technologie va vous mettre un peu dedans, mais pour utiliser cette technologie dans l'espace. On pourra streamer sur dans l'espace. Alors, ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas joué aux échecs. Je crois. J'ai cru voir un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça. On est vraiment sur du très concret en tout cas, très. Attends, concret. Dans l'espace. Concret. Pas la tête dans la lune. Un truc du quotidien. En l'occurrence, on est vers la lune. Oh. Un truc du quotidien. Ah, du quotidien. Faire pipi. Écoute, c'est ça. Pisser dans l'espace. Quoi? Écoutez, c'est exactement ça. L'annonce pourrait sembler risible, nous dit Bastien Hoguel sur RTL, mais elle est pourtant d'une importance capitale. Les astronautes peuvent déjà uriner et déféquer quand ils flottent dans l'espace, mais la NASA cherche des concepts plus petits, plus efficaces et adaptés à la faible gravité lunaire pour ses futures missions sur la Lune. Elle a lancé jeudi 25 juin un appel à projet avec $35,000 à la clé. Ah, c'est un appel à projet. Ah, bien sûr. Ce défi espère susciter des approches radicalement nouvelles et différentes au problème de la collecte et du stockage des déchets humains. Le pipi et le popo. Ah ouais, et ben Macron, ouais. Tu veux dire? Non. Wow. Elle a pas réagi. Pardon. J'en connais un qui va pas passer de très bonnes vacances s'il nous écoute. Ah ouais. Le macaron. Bah, je l'ai taillé un short pourtant donc. On est toujours dans la politique. On est très politique cette semaine. Mais Jean Castex, Premier ministre de la France, a endurci la loi sur quelque chose de précis. Savez-vous quoi? Le port du masque? Non, ce n'est pas le port du masque. Faire pipi dans Paris. Pipi. Il lance des goodies, mais se lie au pipi aussi. Non, ça n'a plus de sens. Attends. Non, c'est pas ça. Ça n'a plus de sens. Non, on est sur un truc assez basique. Hein. Il n'y a pas de grosses blagues. Oui, Premier ministre, oui. Premier ministre. La circulation. Jean Castex, c'est le Premier ministre. Les gens n'ont pas encore. C'est lié à la circulation? Ce n'est pas lié à la circulation. C'est dans Paris. Non, c'est vraiment en France. Okay. Non. C'était déjà testé dans des petites villes, pas du tout. Quel mépris. C'est Rennes ou des trucs comme ça. Mais dans ah oui, villes tu es méprisant. Ouais, des bourgades. Ouais, voilà, dans des villages. De toute façon, moi, après le périph, c'est la jungle hein, pour ces moi. Ces gens n'ont pas façon... accès à la culture. Ouais, c'est ça. Non, c'est dans des villes à droite et à gauche en France, mais là, il l'étend à toute la France. Est-ce qu'on peut avoir le thème? Peut-être un environnement. Le commerce? Non, c'est quelque chose qui est déjà illégal, mais maintenant... À la veuve? Exactement. Oh, pardon, oui, effectivement, trop d'enthousiasme. Il va renforcer, mais comment tu peux... La forfaitisation des délits de stupéfiants sera généralisée dès la rentrée. Si vous êtes fouillé, oh, c'est dans l'autre sens. T'as cassé ton poignet pour le dire. T'as jeté ta main et cassé ton poignet. C'était comme si t'étais un lord dans Barry Lyndon. Magnifique. Non, cette procédure, une amende forfaitaire de 200 euros s'applique à toutes les drogues, mais vise d'abord les usagers de cannabis. L'amende, si elle est réglée sous 15 jours, est minorée à 150 euros. Au-delà de 45 jours, le contrevenant devra s'acquitter d'une majoration fixée à 450 euros. On se demande qui ça vise encore. Hein. Vraiment, ça devient les soldes dans le gouvernement. Hein. C'est vraiment genre, ça lance des t-shirts, mais si tu payes avant, attention, t'as une réduction. D'ailleurs... T'as le code promo avec le code police 10. Excusez-moi, c'est quoi ce mug? C'est la gendarmerie, ok, c'est bon, ça passe pour cette fois. C'est pour la consommation grammes. C'est si on te trouve avec 100 grammes de cannabis. Ah. Oh là là. Oui, 100 grammes, faut y aller quand même. Bah ouais, je sais pas, écoute-moi. Ah, ça monte vite. Mais cette amende fait un peu jaser parce qu'en fait Jean Castex a dit que c'était pour éviter que la jeunesse de France, hein, d'ailleurs je vous le rappelle, se tourne vers le cannabis. Sauf que cette amende ne peut pas s'infliger aux jeunes de moins de 18 ans. Donc dans une association que j'ai découverte, mais dont j'aime beaucoup le titre, l'association Cannabis Sans Frontières estime donc cette mesure complètement abusée. Car voilà, ça n'a aucun sens en fait. Ce sont des amendes. Ça me fait penser à ce que disait Matmata. J'ai envie de citer Matmata avec vous. J'en fais l'apologie. Tu t'avais oublié les paroles. Mais non, putain, je voulais dire. Il dit quoi sur l'alcool déjà, Matmata? Je sais plus. Il dit oh. Et calmos. Mollo, mon pote. Il dit un verre, ça va. Deux verres, bon, ça va. On va à l'ambé, mais doucement sur l'alcool. Ouais. L'alcool enno. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il dit. Qui ne boit pas enno. Il dit. C'est un breton, je te rappelle. Qu'a trouvé un client du Carrefour Market de Bandol dans son chausson aux pommes? Une capote. Une souris. Non. Moi, j'ai un pote qui a trouvé une capote dans son friand au fromage. Oh, quoi? Attends, usagé ou pas usagé? Bah avec le fromage, on savait pas. Bah c'était toute la question. Je pense qu'il a pas vraiment vérifié à ce point-là. Il a pas goûté. Mais il m'avait dit, en tout cas, je suis content qu'avant de baiser mon friand au fromage, il ait mis une capote. Mais comment est-ce possible? T'as une capote, mais pas dans le. Faut y aller quand même là. Non mais le mec a clairement baisé dans le friand, fromage, le friand. Bah, il a niqué le friand, il a fait une American Pie. Voilà. C'est incroyable. J'ai bien aimé Magla qui a fait, il a niqué le friand. Qu'est-ce que je te dis? La classique. Je te le dis comme je le pense. Ah, hein, il a niqué le friand. On ne king shame pas. Non, pas du tout. Alors là, loin de là. Alors surtout pas ici. Surtout pas ici. Non, c'est un truc beaucoup. C'est vrai qu'elle est chiante cette mouche. Mais elle a participé aussi. Il y a une mouche qui casse les couilles depuis le début. Elle s'est posée sur ton nez. Elle s'est posée vraiment. Elle a fait ça. Vraiment, elle s'est imposée dans le podcast. Il suffit pas de mettre de l'encens, faut nettoyer aussi chez soi. Sale connard, tu sais pourquoi il y a une mouche? C'est parce que. Alors, on va dire tout aux auditeurs. Parce que t'as ouvert à cause j'ai de l'encens. J'ai aéré. Parce que l'odeur. J'avais mis de l'encens chez moi. Vous savez, cette odeur qui normalement fait que les gens se sentent bien chez quelqu'un. Non. Adrien Méniel, quand il vient chez les gens et qu'il y a de l'encens, il fait bah, je déteste. Non. Et donc, on doit aérer. Et du coup, les mouches sont rentrées. Je t'ai demandé, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Parce que vous êtes arrivé. C'était arrivé depuis 15 minutes. Et moi, quand je suis arrivé, ça fouettait l'ensemble. C'est un aquarium. Ah, la fin du floodcast en direct. C'est ça, voilà. Bon, ça nous dit pas ce qu'on a trouvé dans le chausson aux pommes. Du verre. Non. Un truc vivant. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Oh, plutôt une mauvaise. Un bout de doigt. Une dent. Attends, vraiment? J'ai dit un pouce, moi. Non, c'est une dent. Ah non. Il s'agit malheureusement d'une dent. C'est dans le Var, un Marseillais venu voir son père a eu la mauvaise surprise de recracher une dent contenue dans une tarte aux pommes. Il est sûr que c'est pas la sienne? Ouais. Non. Bah, oui. Oh, il y a une dent, dégueulasse. C'est ta dent. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait vraiment chier. Ça se voit, mec. C'est vraiment la dent de devant. Mais attends, la question. Mais du coup, il l'a eu dans la bouche. Mais il l'a vu comme ça. Mais la vraie question, c'est maman, tu préfères avoir une capote ou une dent dans ton chausson? Ah, ouais, attends. Ah, une dent. Une dent. Nous sommes pendus à terre. Ouais. Attends, je prends la dent, hein. Une dent. Je prends la dent. Attends, dans la dent. Genre, tu croques dedans ou tu le découvres? Non, tu croques. C'est une fève, finalement. Ah, je préfère une dent quand même. Une dent. Ah, je crois que c'est une dent. Si vous préférez la capote, dites-nous sur Twitter, n'hésitez pas. Et tout d'un coup, clac. C'est ce que nous a dit ce jeune Marseillais du Carrefour Market de Bandol dans le Var avant d'aller manger chez son père. J'ai pensé à un pépin ou un noyau, et pourtant, c'est bien une dent. Du coup, il l'a su sauter en plus. Et en fait, le problème, c'est qu'il est très énervé, ce pauvre Marseillais, contre le Carrefour Market de Bandol, parce qu'il a demandé réparation. Ouais. Et le Carrefour a accepté de rembourser le chausson aux pommes uniquement. On n'est pas aux États-Unis. On est donc sur un préjudice de 6,90€. Et ce Marseillais en question a dit: je trouve quand même que le préjudice est au-delà des 6,90€. Ah ouais, il serait aux États-Unis, il serait millionnaire aujourd'hui. Non, mais il faut qu'il les attaque. C'est clair. J'aimerais savoir à qui appartient la dent. Voilà. Oui, c'est la question. Comment ça se retrouve? Il y a un pauvre mec comment, qui a comment dent, ça se retrouve là-dedans. Surtout un pauvre mec qui s'est pas rendu compte qu'il avait perdu sa dent, quoi. Le mec, il est rentré du taf chez lui, il a fait: oh, merde, c'était peut-être une couronne ou un truc comme ça. J'ai perdu ma dent. Bon bah tant pis. J'ai perdu ma dent. Taous? Non, mais ou alors le business qu'il fait, parce que c'est des pâtisseries surgelées en général, c'est pas le Carrefour Market qui les fait. Ouais. Pas, du coup, là où les chaussures aux pommes sont confectionnées, c'est aussi une planque de la mafia et c'est juste quelqu'un qui s'est fait péter la gueule, voire tuer. Oh. Et ils ont un peu mélangé. Ils cachent les cadavres dans les trucs. Dans des, tu vois, il y a les barils de compote et les barils de cadavres, ils ont un peu confondu les deux. Écoute, je vais te faire signer un contrat chez Ropacorp, Taos, on a signé le transporteur 17, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir. Non, mais justement, tu rigoles, mais le Carrefour Market a dit ça, a dit mais nous c'est surgelé, comment vous voulez qu'on ait foutu une dent là-dedans et tout. Donc la mafia. Le fait est qu'il y avait une dent dedans, quoi. Ouais, peut-être c'est un gars. Imagine. On dirait du Roquefort. Imagine. Regarde. C'est vrai que c'est pas terrible. Ah, c'est du chien. Je vais pas inventer un scénario. Ça donne pas envie, hein. Je vais pas inventer un scénario aussi stylé que Taos qui bosse chez Europacorp. Mais imagine, tu perds ta dent. T'as été un peu en bisbille contre Carrefour Market. Tu dis tiens, ne serait-ce pas le moment de me venger et tu planques ta dent dans un chausson aux pommes. Oh, non. Mais j'ai la bouche pleine, me demande pas. Les pâtisseries surgelées, ça peut se garder très longtemps, donc ça veut dire que c'est une vendetta qui peut être. C'est peut-être. Il est mort depuis. Putain, en tout cas, lisez le prochain Society, on en parle hein, dedans. C'est la nouvelle enquête. C'est le nouveau Xavier Dupont-Ligonnès. C'est la dent de Xavier Dupont-Ligonnès. Mais en fait, il est dans des trucs aux pommes depuis le début. Il était caché dans un chausson aux pommes. On a retrouvé un doigt. On va le reconstruire pendant 18 ans. De 18 ans de chausson aux pommes. Ça me fait penser à ce film horrible. Mais c'est dans Hannibal où il explique qu'en fait, quand il tue les corps, il les donne aux cochons et les cochons, ils recrachent seulement les cheveux et les dents. Ah, donc ouais. Attendez-vous au Coxy Market à recevoir des perruques. Oui, c'est dans Snatch aussi où il dit ça. Dans Snatch aussi, ouais. Oui, ça, oui, putain. Peut-être que le criminel est un porc. Est un cochon. Les taux se resserrent. C'est la vengeance des abattoirs. Exactement. La même semaine, c'est dans un Lidl qu'on a trouvé un truc chelou dans de la bolognaise, à votre avis. Parce que, pardon, le correcteur m'a mis dans de la Pologne haute. Donc j'étais un peu surpris. Dans la bolognaise, à votre avis, qu'est-ce que c'était? Un tampon. Gosse. Attends, il y a eu beaucoup de choses. Quoi? Alors, dans l'ordre, non. J'aime et non. Bien l'enfant, moi. Ça me fait une capote, du coup. Alors, non, toujours pas une capote. Arrête avec les capotes, vraiment. Il va falloir que t'arrêtes. Vivant ou pas vivant? Enfin, non, décédé. Ah mais oui, c'est quelque chose. Mais feu, une souris? Non. Une grenouille. Attends, c'est dans quoi tu dis? Dans un. On s'approche. Dans un lézard. Dans de la bolognaise. Un poisson. Dans de la sauce bolognaise, non. Une salamandre. Non, attends, la réponse a été dite. Lézard. Lézard, effectivement, une tête de lézard. Oh. Voilà, et donc ça, c'est le corps, on le retrouvera dans les pennées à la carbonara. Ouais, c'est ça. Et la queue, elle sera. Et alors la photo est sur Twitter, je vous invite à aller voir. C'est immonde. Non, merci, ça va. Immonde. Quel quiproquo très covidesque a eu lieu au Auchan de Caluire et Cuire. Et on découvre des petites villes en France dans cette émission et ça fait plaisir. Un mec qui s'est fait attaquer parce qu'il n'avait pas de masque et en fait il avait imprimé son visage sur le masque et du coup ils ont bien rigolé parce que... Wow. Alors tu t'approches dangereusement tout en étant très très loin. Mais on est sur une histoire de masque. Est-ce que c'est une embrouille d'un mec qui accuse un autre de ne pas avoir de masque alors lui-même n'en a pas? Non, comme ça, ça a failli être moi au Starbucks d'Opéra. une meuf qui va... Donc je vais au Starbucks, j'ai mon masque et la meuf derrière moi n'a pas de masque. Et j'ai pas encore le stade où je gueule sur les gens qui ont pas de masque, mais je suis limite quand même. Ouais. Donc je me dis, bon, la nana du Starbucks va lui dire. Il se trouve que la nana du Starbucks lui dit en disant, madame, excusez-moi, le masque, c'était devenu déjà obligatoire, le masque est obligatoire. Et elle m'a dit, ah non, c'est quand on commande, on peut, parce que je sors juste après, c'est si je vais aux toilettes que je suis obligé de le mettre. Quoi? Donc, elle a vraiment argumenté pour contaminer la chasse d'eau là. Alors il y a deux elle choses, c'est que déjà non, je crois. Enfin, je n'y connais rien, mais je ne crois pas. Oui, et de deux, qu'est-ce que ça peut te foutre de garder ton. Donc voilà. Qu'elle mette son masque. Mais la meuf de Starbucks n'a pas insisté. Donc j'étais très énervé. Vache, c'est compliqué. Mais c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. T'es face à des gens en plus, si elle est comme ça, c'est qu'elle est un peu agressive. Ouais. Tiens tête à des gens agressifs, c'est pas. C'est pas le propre de la vie, toutes les embrouilles. Du coup, dès que tu provoques quelqu'un, il te tousse dessus ou te crache dessus. Quoi? Ouais, c'est vrai que t'as les trucs. J'ai entendu parler d'un truc. J'aurais dû te la donner cette info. J'ai entendu parler de ça il y a pas longtemps, alors je pourrais pas te redonner les détails. J'ai juste lu l'info. Ils font des soirées Covid. Ouais. T'as entendu parler de ça? Et du coup, il y en a qui sont en train de crever. Des soirées à cause Covid. De ça. C'est-à-dire que vraiment, il y en a un qui a le Covid, ils font une soirée et le but c'est de l'attraper, quoi. Mais c'est. Non, mais j'ai lu ça chez vous. Je vous ai pas dit ce qui se passe ici après 22 ans. C'est un épisode de South Park où ils se crachent dans la bouche là pour avoir la varicelle. Oui. Là, je pense que c'est ça, mais c'est parce qu'ils espèrent être immunisés, j'imagine, parce qu'ils sont jeunes et ils se disent ouais, mais bon, c'est non, bon, mais je on est dans la diocratie, même pas sûr. Je pense que c'est quand même la pire mort. Enfin, vraiment, quand t'es sur ton lit de mort et tu te dis. La honte. Parce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que j'étais con. Bah, j'ai fait une soirée Covid. J'ai fait une Covid partie. Ouais, c'est pire honte. Que genre David Carradine, quoi, qui est mort en s'étranglant, en se branlant, quoi. C'est pire, c'est plus honteux, la version quoi. Hardcore des gens qui fument et qui disent oh, faut bien mourir de quelque chose. C'est vraiment la version hardcore de ça. Donc, non, là, on est sur quelque chose de plus funky. Mais quand même, c'est par rapport à des masques. Il y avait un message sur le masque. Non, pas de message sur le masque. Il s'est tatoué le masque. Non. D'ailleurs, ça y est, il y a des masques à message. Oui, comme les t-shirts et tout. Bah, violon de viande. Il y a des masques. La police a fait leur propre masque aussi, il y a marqué police sur leur truc. C'est les goodies, hein, ça fait partie des trucs. Non, du coup, j'ai pas l'info. Ouais, perso, non. Non, c'est parti. Alors, c'est pas du tout un fait divers, mais ça aurait pu partir en fait divers. Par rapport au masque, dans un supermarché. Il a utilisé un truc. Non, je vous attends, je il a utilisé un truc, genre une peau de banane, une connerie. Ah non, la personne avait vraiment un masque. Ah. Mais c'est plutôt en face où on n'a pas très bien compris le délire. Alors attends, il avait un masque, mais les gens ont cru qu'il en avait pas. Ça me fait rire la description. Si, si, les gens avaient compris, mais c'était. Bon, je vais vous dire la réponse. Bah non, mais attends. Le mec, il a cru que c'était un médecin et il a. Non, mais c'est une histoire de. Il a cru. Ah, il a cru que c'était un braquage parce exactement. Qu'il avait un masque. Un commerçant français a appelé la police croyant à un braquage. En fait, il s'agissait d'un paisible client portant un masque dans le cadre des mesures de sécurité contre le Covid-19. C'est vraiment dire. En fait, il est revenu de la Lune. Mais ça faisait combien de temps? Ou alors, vraiment, à quel point les gens ne portent pas de masque, quoi, dans ce moment-là. Ouais, peut-être. Il avait repéré un individu suspect dans sa boutique. Il s'agit d'un homme tout de noir vêtu qui faisait des allées et venues et portait un masque noir lui aussi, apporte le journal Le Progrès. Ouais. Une dizaine de policiers se sont rendus sur place quand ils sont arrivés. Avec les goodies Qui veut des mugs l'homme était en train de payer son achat, tout simplement. Vraiment, voilà. T'as fait un thème supermarché. Je suis en train de demander si tout ça, c'est pas le même mec en fait. Genre, est-ce que tout ça, il a trouvé une dent, un déchiré, le lézard. Voilà. J'achète ma bolognaise, mon petit chausson, c'est la même histoire. C'est fou. Un bébé est né au Vietnam. Mais il n'est pas arrivé tout seul, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans un supermarché? Non, mais on n'est plus dans un supermarché. Il avait des dents non plus? Non, pas tout seul. Pas tout seul. Non, il n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé accompagné de quelque chose. Il y avait un bébé avec lui. Enfin, non. Un couteau dans la main? Non, un couteau. Très agréable. Bébé avec un couteau? Il a fait la césarienne tout seul de l'intérieur? Non, non, pas du tout. Il est arrivé dans la poche qui était pas percée, ça arrive parfois. Non, il est. Non, tu sais que c'est vrai. Oui. Non, je te j'ai vu, c'est hyper rare, mais c'est beau. Ils sortent dans la poche comme ça, et ils sont obligés de percer une fois dehors, mais c'est ouf, c'est incroyable. C'est vraiment le chou-fleur en fait. Enfin, tu sais, le bébé qui est dans un chou-fleur. Quoi, On n'a pas les mêmes chou-fleurs. Ça fait un peu. C'est comme ça qu'on fait les bébés, rassurez-moi. C'est une cigogne. C'est une cigogne qui pond un chou-fleur. Non, il faut mettre sa bite dans un friand fromage. Tu attends 9 mois et ça fait une bolognaise. Exactement. Non, là il est pas sorti tout seul. Une montre. Il a trouvé dans sa maman. Alors c'est pas une montre, mais on est dans cet un esprit-là. Tampon. Non, pas un tampon. Un bistouri. Fallait que je dise. Non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est logique. Non, non. Mais qui a été oublié par le mot bistouri m'a amusé. T'as où, tu peux pas m'en vouloir. Dans la maman. Un hand spinner. Il est sorti. Une capote. Non, pas une capote, mais on s'approche. Attends. Une bague. Un stérilet. Un stérilet, exactement. Attends, mais. Elle est tombée enceinte sous stérilet déjà, c'est incroyable. Et le bébé est sorti, il a fait. Ça arrive. C'est quoi ça? Il l'a sorti, il a fait nul. Ça ne marche pas du tout. Il y avait ça qui gênait l'entrée. Du coup, je l'ai enlevé. Il l'a utilisé pour sortir comme un cliffhanger avec Stallone. Il fait un petit shuriken avec. C'est un petit à glace. Mais la photo est assez marrante parce qu'il a vraiment le petit stérilet dans la main. Il est vraiment sorti avec. Non, mais il tête le stérilet. Oui, bon, ça c'est glace. Non, il l'a dans la main, le petit stérilet. Ah, mais il le tient et tout, quoi. Ouais, c'était son hocher en fait. C'est le genre de phrase. C'est son premier doudou, c'est un stérilet. C'est le genre de phrase où le père il aura pas lui acheter des jouets, il s'amuse avec un stérilet. Il aura pas commencé à lui acheter des conneries. Après, tout à coup, j'ai trouvé le fait qu'il tienne le DIU était intéressant. Alors, j'ai pris une photo. Je n'aurais jamais pensé qu'il recevrait autant d'attention. La maman du petit garçon, déjà mère de deux enfants, a expliqué qu'elle s'était fait poser le stérilet 2 ans plus tôt pour éviter de tomber enceinte à nouveau. Force est de constater que le dispositif a perdu en efficacité. Tu m'étonnes. Mais elle l'a gardé pendant la grossesse? Bah ouais. Apparemment il serait déplacé dans un endroit. Moi pour moi ça elle l'a oublié. Faire un quiz DIU. DIU. Bien sûr. Dispositif. Dominique interne de l'UTA. J'ai rien. C'est utérin, t'es pas loin. Dispositif d'immunité contre interutéral, interutéral. Intra-utéral, intercontinental. Non mais ça, moi ça sent le mytho qui veut faire des retweets. Il a mis sa femme a accouché, il lui a mis un stérilet dans la main, il a fait, oh là là, incroyable. Alors dans 10 ans, il fait des fausses citations de son fils sur Twitter. Oh bah mon fils de 10 ans a dit non, c'est faux, tu l'as inventé. T'as peu de foi. Ah oui, les trucs genre. Ouais. Mon fils a vu BFM, il a dit mais pourquoi les policiers ils tapent sur des gens? Et il a 1 milliard de retweets. T'as perdu foi en l'humanité tellement fort. Bah, oh, il y a bien longtemps. Mais bienvenue, Amy. Non. Prends un paquet de chips. Ah bah, je vais prendre des vicos. Bienvenue chez nous. Non, en plus, c'est faux. J'ai foi en l'humanité. Mais pas dans les stérilets, par exemple. Mais il y a quand même beaucoup de mythos sur internet. Il y a beaucoup de mythos. Mais oui, c'est vrai. Genre, comme le mec a dit. Une pizza supplément œuf et il y a un œuf à côté, c'est complètement faux. L'actrice Gwyneth Paltrow avait déjà commercialisé une bougie senteur vagin. Avec quel nouveau parfum va-t-elle nous enivrer ? J'ai vu ce lien, je n'ai pas cliqué dessus et sinon j'avais envie de l'acheter maintenant. Quelle est l'utilité d'internet si c'est pour pas cliquer sur ces liens ? C'est vrai. Chiasse de keuf. Non, je sais pas. Peut-être qu'elle fait un partenariat, elle fait des goodies aussi avec les flics. Non, pas du tout. Ça aurait été génial. Sentera nu, c'est un truc gaz. Oui, ouais. Dégueulis de beau-père alcoolo. Est-ce que c'est... Oh, c'est terrible. Alors non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est organique? Mon rep. organique, pas vraiment. Mais on est dans le champ lexical du. Non, mais oui, c'est elle, sexe. C'est oui. Orgasme. Sperme. Bravo, c'est orgasme. Non, c'est orgasme. C'est une odeur, l'orgasme. Non, ça aurait été le sperme de. Franchement, tu rentres dans une chambre quand il y a deux personnes non, qui. Mais ça sent la bite, ouais, mais ça sent l'animal. C'est différent. Bah, c'est un cocktail d'odeur. Ça sent la sueur. Ça sentait avant qu'ils mettent de l'encens. Excusez-moi, mais vous connaissez l'odeur de deux personnes qui viennent de baiser quand vous rentrez dans oui, une chambre. Oui, mais ça sent pas forcément l'orgasme. Bah, attends, pardon, excuse-moi, quand j'ai un rapport sexuel, je vais faire pipi. Tu reviens, je suis une personne responsable et je reviens. Ça sent le cul. Et co-responsable. Oui, d'accord, oui, ok. Mais ça sent le... Oui, mais c'est. D'accord. C'est plus bah, la sueur, c'est pas l'orgasme. Ça sent le cul, mais orgasme. Oui. Oh, c'est une façon jolie de dire. Oui, cul. Voilà, c'est ça. Déjà, oui. Je crois que c'est ça. C'est ça. Moi, déjà, faut qu'il y ait orgasme. Ça sent la sueur, le sperme, la cyprine. Exactement. Tu me montres deux pièces où des personnes ont eu des rapports sexuels et tu me dis quelle est la pièce dans laquelle la personne a eu un orgasme et l'autre. Tu peux différencier? Je ne peux pas. Bah oui, je me suis dit, on est avec la patronne des Mickey Enigmes. J'ai dit, cochon truffier du cul. Excusez-moi, quelqu'un a joui ici? Oh, elle est forte. Elle est forte. C'est faux, vous n'avez pas joui. C'est vous le meurtrier. Ah ouais, bien joué. La Agatha Christie un peu. J'ai baisé mon friand mais je n'ai pas éjaculé. Bien joué. Cette capote dans ce friand m'avait donné un indice. Alors pour répondre à votre question, quelle est l'odeur de l'orgasme, parce que ça peut vous aider. Il s'agit d'un mélange. J'aimerais de... bien, on va savoir. Ouais. Pour savoir, t'es à ma meuf, allume la bougie. Il s'agit d'un mélange de pamplemousse acidulé, de néroli. Néroli, c'est une fleur. C'est une fleur qui est beaucoup utilisée dans les parfums. D'accord, et de baies de cassis mûr mélangées avec du thym. Non. Elle est sous drogue, hein, Gwyneth, là. On est désolé, Gwyneth. Et de baies de cassis mûr. Attendez, il y a encore 16 ingrédients. Quoi ? Mûr mélangé avec du thé en poudre. Et des absolus et de rousse de sperme, par contre. Ouais, c'est ça à la fin. Et de la cyprine quand même. Parce que bon. Un litre d'excellente mouille. Voilà, non, tout mais il doit y avoir 2-3 têtes de sardines, sinon c'est pas. Oh, j'ai trouvé un lézard dans ma bougie. C'est bon, le bijou que t'as à la fin. Et c'est un stérilet finalement. Et tu me tournes du coup. Un stérilet Swarovski. En même temps, c'est la meuf du chanteur. Ah non, c'est plus la meuf d'ailleurs du chanteur de Coldplay. Non, c'est la meuf de Brad Falchuk maintenant. C'est qui Brad Falchuk? C'est tu veux dire Brad Pitt? Non. Non, d'accord. C'est le pilote de, de Ryan Murphy. Tu sais, la team qui fait 50 millions de séries. C'est qui Ryan Murphy déjà? Putain, Ryan Murphy. Le American Horror Story. Brian Adams, oui. Ah oui. Celui qui fait 50 milliards de séries par an. D'accord. Pierre Niney, d'accord, ok. Murphy, le notamment The Politician, dans lequel Gwyneth Paltrow joue son propre rôle à peu près. Dans quoi? The Politician sur Netflix. J'ai pas vu, putain, elle a tout vu. Mais c'est elle aussi qui vend des œufs vaginaux là. Oui. Truc que tu mets. Mais elle a, c'est quoi, c'est le. Mais qu'est-ce qu'elle a, Gwyneth? C'est une thématique. Non, mais elle a tout un truc de commerce en ligne. Elle a tout un. Mais tu sais, j'ai entendu parler, c'était la nouveau, c'était devenu un gourou. Ah oui, non, mais elle a pété un câble. Et Jessica Alba, elle a ça avec les couches pour bébé. Genre, elle a. Elle avait une bougie. Plus normal. Elle a fait une bougie couche pour bébé. La bougie qui sent le caca de bébé. Oh non. Mais c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont avec les produits? D'arriver vraiment tous. Adrien qui arrive, là tu vas ouvrir par contre. Là tu vas ouvrir. L'encens, je veux bien faire un effort, mais là tu ouvres. Quel remède à la constipation? On termine hein, sur une petite. Quel remède à la constipation a été testé par un homme d'une cinquantaine d'années? Ah, et là je vous embouche un coin. Une douche? Bah ça tombe bien, ouais. Coup. Non, c'est pas une douche. Attends. Le remède? C'est. Alors, remède qui a été un fiasco, hein, mais qui a été testé. Un doigt dans le cucu? Alors, on est dans cette. Ah, tire-bouchon! Le gouvernement, parce qu'ils nous font. Ah, tire-bouchon! Je sais pas, je me suis dit, c'est logique. Non, bah ouais, je sais pas, je me suis dit, quitte à faire loufoque. Non. Non, c'est pas un tire-bouchon. Ventouse à chiottes, là. Non. Oh mon dieu. Un aspirateur. Moi aussi, je suis sur un truc un peu. Parce que, attends, ouais. c'est un truc qu'il a ingéré. Je sais pas si quelqu'un a déjà posé la question. C'est un truc qu'il a ingéré. Enfin, qu'il a. Non. Non. Donc, c'est un truc mécanique. Non, pour moi, c'est direct à l'anus. Hein. C'est un, voilà. Un truc mécanique. Il n'y a pas d'intermédiaire. Non. Il s'est mis un verre solitaire. Un sèche-cheveux. Non, c'est dans le mauvais sens. J'ai eu beaucoup d'infos d'un coup. Attends, un sèche-cheveux. Non, parce qu'il fait chauffer. Non, mais ça pousse le souffle, alors faudrait l'aspirer. Je te dis, c'est dans le mauvais sens. Ouais. Le vent est dans le mauvais sens. Faire chauffer le truc. Non, vous êtes chelou, les mecs. Vous êtes chelou. Comme un Kinder dans une boîte à gants. Non, mais pour utiliser. La nouvelle chanson de Benabar, d'ailleurs. Un Kinder dans la boîte à gants. Donc non, c'est pas un sèche-cheveux. Un aspirateur, du coup. Non plus, non plus. On n'est pas dans un truc qu'on trouve chez Darty. Pour vous aider. C'est un système qu'il a fabriqué lui-même ou il a utilisé un objet qu'on connaît. Une fourchette. Est-ce qu'on peut le faire chez nous? Chez les Ricky Ripper. J'espère qu'il va lancer un tuto. Non. Il s'est mis une gerbille dans le cul comme Richard Gere. Non, attends. Pourquoi tu lèves les doigts comme ça là? Non, attends. Alors il y a plusieurs choses. Oh, c'est un truc avec un animal. Oh non. Alors. Oh non. Déjà oui, mais. Oh non. Un cochon truffier. Une anguille. Une anguille. Un serpent dans le cul. Attendez. Deux choses. Déjà, l'histoire de Richard Gere, faut quand même dire aux gens, parce qu'elle n'est pas connue cette histoire, mais il paraîtrait, tu peux le dire Adrien, c'est vrai. Soi-disant, avant de rencontrer Bouddha, bien sûr. Voilà, il y avait une rumeur comme quoi Richard Gere se mettait des gerbilles dans le cul, et que c'était son kink. Encore une fois, on ne kink shame pas. Non, non. Richard Gerby. Quand ça concerne les animaux, rien de moins, quand même. Richard Gerby, donc voilà, c'est un petit jeu de mots que je vous offre. C'est le titre de l'épisode, Richard Gerby. Ah, mais je confonds avec une autre histoire sur les mecs qui s'étaient mis des hamsters dans le cul. Ouais, ah oui, ça le couple qui avait mis des hamsters dans les fesses, c'est Jérôme. Moi, je connais que des histoires de gens qui mettent des saucisses qui se cassent à moitié, c'est tout. Alors oui. Non, mais carrément, c'est beaucoup. C'est pareil, c'est dans le Auchan de machin où il y a eu. C'est le même jour que Market. C'était un friand à la saucisse, normalement, il fait merde! Je me suis mis dans le cul, bon bah. Si Carrefour Market veut nous sponsoriser l'émission, qu'il est un truc là, clairement. On vous a beaucoup cité quand même. Celui de Bandol, hein. Celui uniquement. alors, tu as donné la bonne réponse, Adrien, car effectivement, c'est une anguille vivante. Alors. Mais il était bourré. Je m'en veux. Pourquoi mettre un truc dans son cul pour en faire vous sortir un? Vous avez fait sans faire exprès. Ah non, non, y a une photo. Ah non. Oui, merde, j'ai fait ça. Non, oui, alors par contre, moi, j'ai pas vu, donc. On voit rien. Non, c'est fou en plus. Non, mais j'ai un problème avec les anguilles, moi. Selon les informations du Mirror, un homme d'une cinquantaine d'années qui souffrait de constipation a tenté le tout pour le tout. C'est ouais. Pour que cela s'arrête. Drastique. Où est-ce qu'il a trouvé une anguille? Alors, ça se passe en Asie. L'homme avait vu quelque part qu'un homme. Le truc ultra raciste. Ça se passe en Asie. Ah, ok. on trouve des anguilles oui, là-bas. D'accord. Bah, dans la mer, oui, c'est plus simple. On n'en trouve pas à Paris plage. On en a pas ici, nous. L'homme avait vu quelque part qu'un remède miracle existait contre la constipation. Alors, quelque part, j'aurais aimé qu'il précise. Il suffirait sur Twitch. J'ai bien aimé qu'ils mettent ils ont mis entre guillemets suffirait de s'introduire une anguille vivante dans l'anus, croyant que cela fonctionnerait. Le quinquagénaire s'exécute. Une semaine plus tard, ils seront à l'hôpital. Une semaine. Quoi? Attends, il a gardé une semaine le truc vivant dans le huc. Il sera à l'hôpital car cela ne s'était pas vraiment passé comme prévu. Il souffrait de grosses douleurs abdominales. Quoi? Oui. Horrifié, les médecins ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. L'homme est arrivé à l'hôpital dans un état grave. Il souffrait d'une septicémie qui l'a conduit à un choc septique. À l'hôpital, l'aiguille, qui mesurait 38 cm, lui a été extraite du l'anguille. Colon. L'anguille. Oui. T'as dit l'aiguille. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, l'anguille. Je croyais que c'était une aiguille qui est rentrée dans l'anguille. 38 cm. On est sur un avant-bras. Mais quelle taille fait un colon? C'est long, hein. Un colon plus que 38, du coup. Ouais, les intestins, après, c'est 7 mètres, hein. Donc, t'as de la marge, quoi. Mais j'ai plein de questions. Du coup, elle était toujours dedans? Elle j'ai était en pas vie. Toutes les réponses, hein, Elle était toujours en vie? Alors, la créature qui se tortillait dans le corps du patient a percé les intestins. Non, donc, le pire, c'est qu'elle est sortie avec un stérilet, ça, c'est le plus. On va faire que des blagues à tiroir, faut savoir. Vraiment, il y a que ça. C'était une des anguilles de Ursula dans La Petite Sirène. C'est venu de là. Le docteur Lee, qui s'occupait du patient, expliquait que ce dernier était entré avec un choc septique lors d'une tomodensitométrie. Nous avons suspecté un corps étranger dans sa cavité abdominale, mais nous n'avons pas pu dire de quoi il s'agissait. Puis, lors d'une coloscopie, nous avons découvert qu'il s'agissait d'une anguille des marais asiatiques. Elle était entrée dans sa cavité abdominale. Voilà. Mais combien de temps elle a vécu leur petite caméra en disant là, qu'est-ce qui te gêne? Et là, deux gros yeux. Quel enfer. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont dû lui demander, mais il s'est passé quelque chose et tout. Le mec a fait non, franchement, je vois pas ce que ça peut être. J'ai googlisé. Bah, c'est une anguille. Il y a anguille sous roche. Oh, oui, Pas mal. J'adore. Pas mal. Non mais ça va faire de bah j'ai googlisé constipation et puis une chose en entraînant une autre, j'ai une anguille dans le cul. Bon bah, d'accord. Voilà. Ouais. Vous auriez pu nous le dire avant en fait. Mais vous devriez recevoir un gars des urgences ici qui raconte des anecdotes. Je te jure qu'il y a des histoires de fou incroyables. Il faudrait que tu l'amènes. Ah, non, non, raconter une histoire avec du caca qui gicle d'un trou. Quoi? Oui, ça c'est un anus, ça juste. Non mais un trou dans le ventre qui est pas censé. Ah, c'est une poche. C'est un anus artificiel. Oui, c'est une poche. C'est des choses qui arrivent. Voilà, il remplace du drain et en fait ça s'est pas très bien passé. Ah oui, moi il m'avait dit quelqu'un qui était arrivé aux urgences avec une réplique de la Coupe du Monde coincée dans le cul. En plus petit. Mais quand même. Mais le gars était Zidane. Miniature, ouais, mais pas mal. On est les champions. Ouais, attends, 2 étoiles, je vous rappelle. Non mais sachez quand même qu'il y a une belle fin à tout ça. L'anguille va bien déjà. Oh, il l'a mangé. Elle est vivante encore. Il l'a mangé. Elle est en thérapie par contre. Ouais, ah ouais, c'est clair. L'anguille est retournée vers ses copines. Anguille, elle a fait bon les gars, j'ai vu des trucs. Vous imaginez même pas ce que story j'ai time. Elle a ouvert une chaîne YouTube. Elle a fait son podcast actuellement. Ma vie d'anguille. Je rentre dans un tunnel, ça tourne mal. Non mais aussi le patient. Le patient, il avait des chances de mourir. Elles étaient très élevées, mais quand heureusement il a été opéré à temps, donc tout va bien. Il avait, acheté l'anguille sur un marché humide et se l'était introduite par l'anus. Un marché humide. J'en reviens pas qu'elle soit vivante. Ouais, c'est un marché humide. D'abord, il allait faire un marché sec. Ils ont dit non, c'est pour faire quoi? La cuisiner? Ils vont la mettre dans le cul? Non. Mais oui, marché l'oxygène. Humide. Je sais pas comment elle fait l'oxygène. Il y a pas d'oxygène bah, dans un cul. Bah, ça dans l'eau, elle respire, tu vois. Mais dans l'eau, normalement. T'as du. Eh, on est composé quand même à. J'ai oublié. 60%. 60%, je crois. 60% d'eau. Ah ouais. Ça match. Bah, non, mais dit, les gaz de l'intestin qui font qu'elle respire. Ah enfin, ouais, super. Taou, c'est l'hésitation la plus rapide. On est quand même constitué de. J'ai plus la suite. Ça a été très très rapide. Cela dit, elle a rongé les intestins pour sortir, donc c'est que peut-être elle étouffait quoi. Ou elle voulait sortir en tout cas. Elle était mais pas. Mais pas... c'est une survivante. Hein. Ah ouais. C'est la pauvre quand même quand elle est sortie. Elle a dû dire ah liberté. Merde putain. Jou là, bordel, c'est quoi cette merde. c'est pas une vie. C'est le monde de Nemo mais version hardcore. C'est le 3. Tu sais qu'il a traversé tout l'océan. Moi je suis dans un cul. T'en veux dans un trou de balle. Je suis au fond d'un trou de balle. Croisement entre l'aventure intérieure et le monde des animaux. Il y a l'épisode de South Park avec une gerbille dans le cul qui vit une quête de donjons et dragons. Ah oui, voilà, ça, ah oui. Ça doit être basé sur Richard Gere. Cette anecdote m'a achevé. Oui. Alors, on ouvre un peu. Alors, c'est pas par un... contre, juste, moi je vais peut-être entamer une thérapie parce que j'ai deviné et ça m'inquiète. C'est, vrai. Alors, c'est vrai, tu l'as trouvé rapidement. Ouais, ouais, assez vite, ouais. Une anguille. Bah, rien, c'est rapide. C'était toi. Alors c'est un peu une nouvelle section de l'émission sans en être une vraiment. C'est-à-dire que au bout d'un moment, j'ai vite fait toutes les anecdotes récentes de trucs dans le cul et de voilà. Donc du coup, je me suis dit, j'ouvre un nouveau segment qui s'appelle Tu m'en apprends une belle. On n'est pas sûr du titre encore. Non, si, il faut un jingle. Alors je l'ai pas, mais je me disais, alors je veux pas être le gars qui réclame à ses auditeurs des trucs, parce que clairement en plus on n'a pas d'argent, mais si ça vous amuse de le faire, faites-le si vous avez envie. Moi je le ferai pour la semaine prochaine, parce que là j'ai pas eu le temps de faire un jingle. Tu m'en apprends une belle. Quelle légende urbaine concernant les chiens a été mise à mal par des chercheurs? Qui ne pouvait pas regarder en l'air, en haut. Non, mais qui voyait bleu. Oui, c'est vrai qu'il y avait une grosse légende. Mais on l'a dans Shaun of the Dead, je crois. Oui, c'est ça. Oui, peuvent. Ouais. C'est de là que je connais le nom. Ah, l'âge cette fois. J'ai vu en plus. Exactement. J'ai trouvé un truc. Non, mais bien joué. Selon un communiqué détaillant les résultats, l'analyse des changements moléculaires dans l'ADN des labradors. Alors, ça a été testé sur les labradors. C'est pas tous les chiens. Montre que les chiens vieillissent à un rythme beaucoup plus rapide que les humains tôt dans leur vie. Ce n'est qu'après avoir atteint la maturité que ce rythme ralentit. Donc en fait, on peut pas exactement multiplier. C'est au début ça va très vite et après ça se calme. Par exemple, l'étude indique que pour un chien d'un an, il aurait en réalité 30 ans en âge humain, alors qu'à 4 ans, on estime qu'il se rapprocherait de 52 ans, puis que ce rythme de vieillissement ralentit après avoir atteint 7 ans. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est logique quand on y pense, après tout, car un chien âgé de 9 mois peut avoir des chiots, déclare un des auteurs de l'étude, Trey Edeker. Eh ben. Donc en tout cas, le 1 x 7, c'est faux. Ce n'est pas 1 an chien égale 7 années humain. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais, c'est toujours plus compliqué. Toujours. Vous laissez pas faire. Savez-vous d'où vient la légende qui dit que les chats ont 9 vies? Bah, les c'est pas l'Égypte, ouais. C'est la spiritualité, ça. Alors, c'est un peu lié à ça. Est-ce que vous savez un peu plus précisément les 9 vies, parce que c'est le Caire. Putain, j'ai mis du temps la voir. J'étais là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, l'Égypte, ok. Parce qu'il y a trois hypothèses qui sont effectivement liées. Non, mais le 9, t'as, tu sais ça? Le 9, c'est non. lié. Si, si, t'as un truc. Si. Souvent, le. T'as des queues de chat ou un truc comme ça. Alors voilà, bah, vous avez toutes les y deux raisons. Il n'y a pas un truc avec le diable aussi? Non, il n'y a pas un truc. Alors là, les 9 portes avec Johnny Depp, enfin, le chiffre 9, toujours. Et Gwyneth qui attend avec sa bougie. Il y a 9 bougies dans la collection. Alors la première hypothèse, c'est au 19e siècle, un vétérinaire anglais a calculé qu'un chat pouvait survivre à 8 blessures graves. Donc ça c'est faux, hein, c'est n'importe quoi. Mais les deux autres hypothèses, c'est une confusion. La première hypothèse, c'est qu'une confusion avec le chat à 9 queues, fouet de 9 cordes à nœuds. Donc ça effectivement c'est hein? peut-être un petit peu lié. Ah mais c'est le... Ah, c'est, je fais un mime. Je suis hyper bien. Le fouet à 9 exactement, à 9 cordes, 9 cordes tout simplement. Et le deuxième, c'est le chiffre 9 et le chat étaient sacrés tous les deux pour les Égyptiens. C'est-à-dire que les chats étaient aussi sacrés que le chiffre 9, et donc avec le temps on les a mélangés tout simplement. Ils ont fait un mash-up quoi. Ouais, c'est ça. Hey, mais les deux trucs sont sacrés. Allez, non, c'est... Il faut savoir qu'à l'époque, tuer un félin était puni de mort tout simplement. De nombreuses statues de dieux égyptiens ont d'ailleurs un corps ou une tête de chat. L'animal fut sans doute divinisé par les Égyptiens car il possède une exceptionnelle résistance au malheur. Donc c'est quand même un peu lié à ça. Si on en croit le Jean-Baptiste Giraud, qui a écrit un livre sur les questions qu'on se pose tous, et lui il donne les réponses. Il dit que c'est lié au fait que les chats sont très résistants, mine de rien. On a tous entendu parler d'un chat renversé par une voiture, les tripes à l'air, sauvé par le vétérinaire, ou même qui s'en est sorti tout seul. Non, mais ça, pas à ce point, mais. Lui, bon après c'est la petite touch du gars, hein, faut le mettre. Survive à une anguille dans le cul. En tout cas, voilà, c'est lié effectivement à l'Égypte ancienne. C'est fou. Ah bon, mais bon. Bonnement. Moi j'ai pas compris le truc du fouet par contre, c'est quel rapport avec les chats? Eh ben en fait, attends, je remonte l'article. C'est en gros, le nom du fouet. Ah, c'est le nom du fouet. C'est le nom, le fouet s'appelait le chat à neuf queues, tout simplement. Et c'était donc le nom neuf du... vies du coup. Les voilà. Il y a raccourci. Il y a raccourci sur c'est rapide. Hein. Alors, on va passer à la suite. Taous. Oui. Taous, tu as sorti un livre récemment. On peut dire qui s'appelle Witch Please. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots de quoi ça parle? Oui. c'est un grimoire de sorcellerie moderne qui permet de, pour les personnes qui ont ce que j'appelle une spiritualité alternative, c'est les gens qui trouvent des réponses spirituelles dans ouais, qui sont pas liés à un dogme forcément, mais qui ont voilà des croyances de type pensée positive, de les forces de la nature, de l'univers, ce genre de choses. Les hippies, voilà, disons-le clairement, les New Age compagnie. Pour les personnes qui voudraient un peu s'initier à tout ça et savoir un peu comment utiliser les outils qui sont à leur disposition. Instagram par exemple. Tu peux être plus condescendant ou... t'imagines t'as ta réponse. Oui, dans ta question, ouais. Non, je sais qu'il se retient là. Rigole, mais pas du tout. Donc très bien, parce que je te pose cette question, Taous, puisque on a trouvé récemment un papyrus antique qui apprenait à jeter des sorts. Est-ce que vous savez, par exemple, je vais vous en raconter un. Si vous voulez, par exemple, brûler, pardon, ça me fait rire, brûler le cœur de quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de vous, est-ce que vous savez comment on fait? Bon, jette une allumette. On met un stérilet. Mauvaise technique déjà a priori. Non, en fait, c'est le décès normalement. L'issue de ça, c'est mourir. Non, mais après, c'était l'Égypte ancienne. Ils vénéraient des chats, les mecs. Mais en gros, la procédure était assez contraignante. Il fallait brûler des offrandes et inscrire le sortilège sur les murs des bains publics. Des bains précis, publics. Des bains publics. La chanson de Brassens d'ailleurs. Je vous implore la terre et l'eau par le démon qui vit. Des références très modernes. Je vous implore la terre et l'eau par le démon qui vit en votre sein. Et j'implore l'avenir qui sommeille dans ce bain pour que, comme vous qui embrasez et brûlez et enflammez, brûle cette. C'est long quand même. Ouais, sur un but, après tu l'as fait alors. Surtout le proprio du bain public fait. Vous faites quoi là? Ça fait 3 heures que vous écrivez un truc sur le mur. C'était le début de Monsieur Chat, Jésus Sauve à Paris. Ça commençait comme ça. Bon, bref, etc., etc., etc. Mais sachez qu'il est encore possible de jeter des sorts. Moi, ça, je savais pas. Je pensais que ça s'était arrêté avec les sorcières qu'on avait brûlées à Salem et compagnie, tu vois. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de connaissances sur les sorcières, Taous. C'est pour ça qu'il faut que je lise ton livre. Mais en fait, il est encore possible de jeter des sorts. Est-ce que vous voulez qu'on apprenne tous ensemble à jeter un sort? Bien sûr. Alors je sais pas si vous avez des gens. Chacun a des gens à qui il a envie de jeter un sort un ouais. peu. Oh ouais. Wow, ok, ça a été. Évidemment. Très rapide. Alors je demande pas. Demande pas un truc précis, mais on est dans quel ordre, dans quel monde à peu près de la personne? Par exemple, Amy, tu penses à qui? Pas précisément, mais est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est du. Oh, je peux trouver plusieurs si tu veux. Qui tu souhaites? Je sais pas, tu choisis. Après, ça dépend du sort aussi. On a peut-être pas envie de jeter un sort de C'est de, pour maudire la personne. Hein. C'est pour maudire la personne. Les maudire, c'est-à-dire. Écoute, Adrien. On a une spécialiste. Non, c'est. On est vraiment sur une malédiction. On est vraiment sur une malédiction. Ah ouais, c'est très violent. C'est très violent. On lui porte la guigne. Bah, après, on le fera pas. On va juste lire ce qu'on pourrait faire ah pour non, le faire. Ah non, je suis déçu. Je pensais qu'on pourrait faire. Merde. Tu penses... Oh, j'irai dans un cercle familial. Ok, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Taous. Quoi? Non, moi je jette pas de sort aux gens, moi. Ah bon? Non. Oh, et ton bouquin, c'est quoi? Bah voilà, je culpabilise maintenant. Non, t'inquiète. Moi j'en ai aussi beaucoup. Ok, très bien. Non, tu jettes pas de sort? Non. Alors non. Pourquoi? Parce que j'estime. Alors c'est vraiment très hippie comme conception non, des attends, choses, mais j'estime de... vraiment qu'en ayant des mauvais comportements, on se punit soi-même. Oui, une sorte de karma en fait, un peu. Voilà. Ouais. Et que moi, en me concentrant sur ma réussite, je me venge beaucoup plus et beaucoup mieux comme ça, en étant beaucoup plus constructive. Et comme ça, les gens ils me regardent en disant ah, je suis vraiment une grosse merde. Ouais. Alors que moi je rayonne. Il y a quand même le terme grosse merde. Ouais, mais il y a quand oui, même une envie. Non, mais j'ai pas dit que j'avais pas de rancœur. Hein. J'ai juste dit que je leur maudissais pas le cul. T'oublies l'option sum quand même qui est hyper fort. Genre chez moi par exemple. Après, Tao, je te propose vraiment un truc avec un bocal où la personne peut brûler en elle-même. Donc c'est pas mal quand même ce que je t'offre. Non? Non, vraiment. Non, moi je pense vraiment que les gens se punissent eux-mêmes. D'accord, Adrien. Faut que je dise la personne. Ouais, genre... quel genre de personne? En vrai, je sais pas. Ouais, non, mais. Moi, pas. C'est par exemple, c'est le patron qui gère le chantier à côté de chez moi. On n'est pas sur un truc. Voilà. Voilà. Non, mais je suis pas sur un truc où on va. Je cherche pas un truc métaphysique au fond de ton cœur. Hein. C'est juste un truc comme ça. Si tu penses à quelque chose qui t'énerve. Mais moi, je suis pas rancunier, moi, donc. Non, ouais. Je bip régulièrement. Dans cette émission. Oui, ben. Il sera repipé à ce moment-là. Évidemment, 45-52. C'est pour la blague. D'accord. Non, okay. Parce qu'ils m'ont autant, ils ont autant lancé ma carrière qu'ils m'ont cassé les couilles. Bien sûr. Donc, là, le bip sera peut-être plus très utile du coup. Là, à peu près. Très très long ce bip. Magla? Je dirais mes anciens voisins. Ah, quand même. Ah ouais, ouais, non, c'était terrible. Qui t'ont poussé à déménager d'ailleurs? Ils m'ont poussé à déménager. Tiens, mon voisin du dessus, allez. Genre, ah, les voisins, ça, voilà, il y a un truc. Il me fait chier. Comment ça, il t'a poussé à déménager? En fait, je vivais dans un appartement à Sannois, dans le 95. Tout est beau, tout est bien, jusqu'au jour où je reçois des œufs sur ma porte et des lettres de menaces anonymes. Et donc, vraiment des lettres vraiment violentes. Hein. C'est il y a une folle dans son appartement, il faut l'interner avec son rire de débile. Du coup, je lis, je fais ah, bonjour. Non, je suis juste trimeuse. Oui, je suis juste trimeuse. Ça peut revenir même pour vous, mais ça va. Et du coup, j'avais mis un mot dans mon hall, j'ai essayé d'être gentille. J'ai même mis un petit panier avec des petits gâteaux en mode je suis désolée, oh. Tout ça. Et mon mot a été déchiré. Les gâteaux avaient été pris. Mais... Ah, parce qu'en plus, c'était crevard. Et le lendemain, ils ont relancé des œufs sur ma porte. Ils ont rendu le gâteau en mettant une dent dedans. Ah non, c'était eux. Attends, putain, c'était un appart. C'était un appart. Donc, ils sont venus sur ton palier jeter des œufs. Oui, oui, oui. Putain. Et il y en avait tout le temps par terre sur le truc et tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils disaient que tu faisais du bruit. En parce fait. Que selon eux, je faisais trop de bruit. Mais moi, je travaille de 15h à 20h. Donc en général, bon, c'est ça va, des heures de journée. C'est ce que j'allais dire. Tu stream pas trop la nuit en plus, toi. Ça m'arrive une fois par mois où je stream jusqu'à 2h du mat. Et j'avoue, je fais du bruit. Mais. Ouais. Tu viens toquer, je suis gentil. Non, une fois par mois. Bruit. Voilà. Ouais, et puis 2h du mat, c'est pas non plus. Non, mais. Puis quel gâchis. Tu hurles pas non plus. Le qui vient jouer avec moi, c'est encore mieux. Non, mais tu hurles pas non plus, quoi. Enfin, c'est pas. Je joue à des jeux d'horreur, des fois, c'est. Ouais, d'accord. Dire qu'on tripe en chat, quoi. C'est mérité. Non, mais d'accord, oui, bon, il mérite une malédiction. Voisin du dessus, toi? Ouais, mais du coup, c'est moins hardcore que ça, mais juste il est chiant et je le soupçonne de séquestrer quelqu'un dans son appartement. J'ai des œufs sur sa porte, ce qui est quand même conséquent. C'est moins hardcore que attends, ça. Mais attends, comment ça? Non, non, c'est pour rire. C'est juste, c'est ma théorie parce que il y a des bruits invraisemblables en milieu de la nuit, genre des coups. Comme si quelqu'un tapait sur le sol ou sur le mur. Mais il est hanté en fait, l'appart. Faudrait peut-être appeler la police du coup. On a ils vont lui mot, donner un t-shirt. Bon, voilà, on est devenus ces personnes qui mettent un mot et les bruits se sont arrêtés. Pas anonyme. Non, pas anonyme. Ah. Non, on a signé machin et on a dit oui en disant oui, on sait que parfois on se rend pas bien compte du bruit qu'on fait. Ah, t'as été conciliant. Et les bruits se sont arrêtés. Mais quand même. S'il est là avec le mec séquestré, oh putain, ta gueule un peu. Oh on va se faire griller avec tes conneries. Du coup, ma théorie était que il il séquestrait quelqu'un chez lui et qui tapait du pied pendant la nuit pour qu'on vienne SOS le libérer. SOS en morse. Ah, et du coup, nous, on a condamné, au lieu, voilà, au lieu de le sauver, tu as mis un mot dans l'ascenseur. J'ai mes problèmes aussi, en fait. J'ai mes propres problèmes. Ce qui est un scénario moins stylé. Moi, je l'aime bien, ce film. On l'a jamais vu. J'ai trop envie d'aller le voir. T'as Liam Neeson qui met un petit mot sur une porte. S'il vous plaît. Et il écrit bonne chance, mais avec les bonnes lettres. S'il vous plaît. Un petit effort. Un super héros qui met des mots. Qui pense qu'on peut discuter quand même. On peut discuter. Non, moi, c'est le chef du chantier à côté de chez moi. Moi, j'ai des travaux depuis longtemps. J'en ai déjà parlé un peu partout. Ou bah pareil, moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans la gentillesse et dans le débat à essayer de dire non, non, mais moi, je comprends. Vous devez travailler, sachant que c'est des travaux qui ont eu lieu pendant le confinement dès 8h30. Mais bon, je comprends. Il y a des gens qu'il faut qu'ils travaillent. Tu vois, je veux bien entendre plein de choses. Mais là, vraiment, le gars m'a raccroché au nez la dernière fois et a bloqué mon numéro. Donc, c'est quand même fou. Alors, vraiment, je ne l'annulais pas. Ah, j'étais d'un calme olympien. Et du coup, il est en retard d'un mois et demi. Ces travaux, ils continuent là. On est fin juillet. Il y a des travaux depuis mi-mars. Et à la base, moi, j'étais juste sur un truc genre, on peut commencer à 10h, s'il vous plaît. Juste 10h, parce que moi, effectivement, je travaille tard le soir, j'écris ou des machins. Donc, je me lève à 9h, 9h30. Là, 8h30, c'est pile une demi-heure, une heure avant de me réveiller. C'est vraiment horrible. Et le gars s'emballait, quoi. Donc c'était un peu relou parce que je pensais qu'on pouvait discuter et on peut absolument pas. Et en plus, c'est terrible. Et c'est vraiment le chef. Enfin, c'est pas le chef de chantier, c'est la personne qui a ordonné les travaux. Les gars, oui, en plus. Bah oui, parce que les gars du chantier, ils bossent. Ils peuvent rien faire, ils peuvent rien dire. Et surtout, moi, je leur en veux pas, eux, de travailler, tu vois. Mais c'est vraiment le gars qui pousse à faire des. Et donc lui, vraiment, j'aimerais une malédiction. Donc, je suis allé. Alors rassurez-vous, hein, parce que c'est aussi ça. Je suis sur WikiHow, donc je suis pas sûr. Oh, c'est génial, WikiHow. Alors, voilà. Donc, c'est génial. Alors déjà, les premiers conseils, c'est soyez conscient des retombées possibles. Il peut y avoir des retombées. Ces études ont montré que les personnes qui pensent avoir été ensorcelées et qui se sentent démunies face à cela souffrent parfois de flaccidité cardiaque, ce qui peut provoquer une chute de tension rapide et parfois entamer la mort, ce qui est une façon très vénère. Oh, ça va. C'est okay. Une malaise vagale à décès très rapidement. Il y a aussi un conseil que j'adore avant de commencer. Envisager de pardonner. C'est aussi un très bon conseil. Faisons sinon ça. Le matériel, c'est un bocal en verre comme un gros pot à cornichons. Ça j'ai. Okay. Ah, attends, je note. Une poupée ou une figurine qui doit ressembler à la personne visée. Ah, déjà ça devient compliqué quoi. Voilà, veillez à bien faire voir que il faut collecter des cheveux ou des rognures d'ongles. Dans mon livre, j'explique comment faire ce qu'on appelle une dagide, qui est donc une figurine qui représente ta cible. Dagide Asseloff. Et toi tu veux pas jeter de sort. Non, ça peut être utilisé pour des sorts bénéfiques. Attention, c'est que du vaudou. Des hein. Non, comment on dit ? De la magie blanche. Ouais, j'aime pas trop ces termes mais ouais. Oh. Wow. Ouais, j'ai dit l'équivalent du noir ou pas. Non, c'est vraiment purement personnel. Là, c'est tes maudits, mon pote. C'est terminé. Tu peux faire une poupée, du coup, pour quelque chose de positif. Bien sûr. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on sait pas. Ah bah c'est vrai, ouais, la plupart du temps, quand on fait une poupée, c'est tu veux du et mal. Bah ouais, à nous, on va faire le vaudou direct. En fait, l'important, c'est de créer un lien, ce qu'on appelle un lien avec la cible de ton sort, même si c'est toi-même. Ça peut être toi-même. Un lien, c'est genre les cheveux et les rognures d'ongles ou pas du tout? Par exemple. Oui, d'accord. Une photo. C'est dégueu, c'est tout de suite dégueu. Et après, on se demande pourquoi il y a une corde avec plein d'ongles dedans. Oui, parce que là, il dit que les trucs un peu négatifs. Tu nous diras peut-être l'équivalent positif. Ah, ça, c'est Internet. Ouais, ils voient le mal partout, les mecs. Un piment rouge, par exemple, provoquera la colère de votre cible. Le vinaigre peut être utilisé pour agir, pour que la relation, aigrir la vie de quelqu'un ou bien la relation entre deux personnes. Vous pouvez ajouter une allumette à votre bocal, celui qui contient du papier pour enflammer votre malédiction dès que vous secourez le bocal ou que vous le déplacerez. Marche pas. Clairement. Pour rendre votre cible malade, vous pouvez mettre une plante toxique. Depuis tout à l'heure, il te dit, vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi... Du coup, tu sais pas ce que tu dois mettre dedans. Ouais, tu fais plein de tu peux aussi faire ça. Et à votre avis, pour dominer la cible, faut mettre quoi? Un truc SM pour dominer. Ah, le chat à 9 queues. De la ficelle. Un string. Pourquoi? Bah, pour. Tu t'attaches. Ah, le pantin, genre. Tu attaches, ouais, je sais pas. Jeff Panaclock, non, pas du tout. Des menottes? Non. Tu Attends, sais pas, toi, t'as dominer. C'est ni plus ni moins que de la pisse. Ah. Voilà. Alors, ah, bah, tu. Ouais, la chienne ou la chienne? Ah, voilà. Vous pouvez utiliser l'urine. C'est ça ta passion? Non. Pisser dans des bocaux, putain. C'est pas le livre de Taous, ça. On est sur WikiHow. Son livre est quand même beaucoup mieux. Ça va. Mais cela dit, dans mon livre, il y a mention de l'urine. J'ai trop envie de lire ton bouquin. Tu chies dans un vase et moi, c'est ça. C'est ça. Alors, quel est l'équivalent positif de l'urine dans la magie blanche? En fait, il n'y a pas d'équivalent négatif ou positif, c'est l'usage que t'en fais qui change. Et c'est ton intention qui change, ce qui fait que tu peux utiliser... En fait, l'urine, c'est utilisé dans les sorts de protection. C'est-à-dire que tu peux créer ce qu'on appelle une bouteille de sorcière qui était... Alors, ironiquement utilisé par les gens qui voulaient se protéger des sorcières. D'accord. Adrien, il est pas bien, il est en train de faire un malaise vagal. Ça me fait rire, c'est drôle. En fait, ça a été retrouvé, il y en a beaucoup qui ont été retrouvés pendant les fouilles archéologiques. C'est des bouteilles dans lesquelles on retrouve de l'urine, des clous rouillés, des bris de verre ou ce genre de trucs. Mais par exemple, les clous rouillés, ils disent que c'est méchant. Enfin, c'est pour évidemment ça faire dépend, du mal. Et ça en fait, dépend. Les gens faisaient ça et enterraient ça dans leur jardin pour se protéger des sorcières. Donc, ça veut dire qu'ils pratiquaient des rituels magiques pour se protéger de c'est ceux magique. Qui protégeaient c'est les franchement, c'est génial. Génial. Voilà, il y a une, un camion qui se gare dans le studio, vous inquiétez pas. J'ai ma braguette qui descend de plus en plus. Ça va, Adrien? Ça me va. Je suis choqué, hein. Donc en tout cas, ouais, moi ce que j'aime bien dans le conseil, c'est vous pouvez utiliser de l'urine. Entre parenthèses, il est important que ce soit la vôtre. Ah bah oui. Dommage pour les laborantins qui voulaient. N'utilisez jamais l'urine ou le sang de quelqu'un d'autre pour jeter un sort, cela, car cela représente un risque biologique. Vous pourriez tomber malade. Mais... bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a la magie, il y a la magie, mais pas que il y ça. Il y a la science surtout. Il y a aussi, il y a aussi la science. C'est très important. Donc en tout cas, il faut mettre cette petite poupée dans un bocal et après vous lui mettez des trucs que vous aimez pas. Il y a le chat qui est venu. La pisse, du piment, tu mets tous les trucs. Voilà, et puis derrière vous obtenez bon, un petit plat. Sympa, un petit smoothie. Je sais ce que je fais ce soir. Hein. Voilà. Et tu pisses dans un bocal. Et alors ce qui me surprend, c'est qu'il faut utiliser la psychologie pour renforcer votre sort. Et là, d'un coup, ça devient juste. Être quelqu'un de bizarre avec des gens. Harceler enfin, quelqu'un en fait. Ouais, c'est ça, c'est genre. C'est ça, ne soyez pas sympa avec quelqu'un que vous voulez énerver, tout ça. Fait, oui, bon, voilà, c'est juste être humain. C'est comme en fait. Ça Il est incroyable ce site quand même. Il n'y a pas de la magie en fait. Les dessins sont toujours bien. Comment causer la mort? Il faut un couteau et le planter dans le cœur de la personne et ça marche. Attends, c'est incroyable. Qu'est-ce Regardez-le dans les yeux et dites-lui je ne t'aime pas beaucoup. Voyez comment il réagit. C'est quoi l'équivalent, Taos, de... Alors, je sais que t'aimes pas le mot équivalent, mais comment on peut faire du bien à une poupée pour faire de la magie plutôt sympa? Bah, en fait, c'est vraiment débile, la genre magie. Genre du beurre doux. C'est... Franchement, si ça représente l'amour pour toi... Du beurre doux, franchement, bah oui. C'est l'équivalent vrai, d'un câlin. C'est vraiment... C'est la façon dont c'est présenté, c'est pour ça que je dis toujours, en premier, la médecine et la science, c'est vraiment très important. Le reste, c'est des trucs... En fait, c'est ritualiser des trucs qu'on fait dans la vie. C'est juste, tu mets une skin stylée à des trucs que tu fais naturellement quand tu penses à quelqu'un en disant « Oh, j'espère qu'elle va bien ». Juste là, tu vas faire tout un rituel... pour espérer qu'elle aille bien, mais c'est exactement la même chose. Et moi, je trouve ça stylé parce que j'aime bien faire des caisses et que... Ah, puis t'aimes bien le décorum du truc. Oui, et puis ouais, j'aime bien me faire remarquer, tu vois. J'aime bien l'attention et faire « Ah, oh, je suis un peu bizarre ». Voilà, mais... J'ai besoin de rien dire, tu vois. Mais parce que je suis lucide. Je suis pas complètement... Extra lucide. La sorcière. Je suis pas complètement perché non plus. Non, pour moi, c'est vraiment juste, tu mets une skin un peu... alors, stylé selon des critères, ridicule selon d'autres. Ça dépend qui juge, n'est-ce pas? Non, mais, je trouve ça très bien comme explication. Et du coup, voilà, si jamais j'ai envie de me dire « Oh putain, j'espère que ma mère va bien », au lieu de juste d'être dans mon lit, me dire « Oh, j'espère que ma maman va bien et qu'elle est heureuse », ou alors de prier un dieu parce que je crois en Dieu, et ben, je vais faire un rituel où, je sais pas, je vais mettre sa photo au milieu de pétales de rose, ou une connerie dans le genre, parce que non, j'ai besoin de visualiser le truc, en fait, et j'ai besoin que ce soit... matériel et palpable, et après moi ça me fait me sentir bien, mais je vais pas me coucher en me disant j'ai changé le cours de l'univers. Tu n'as pas le chapeau pointu. Non. Voilà, tu n'as en pas fait, de balai. C'est comme si tu matérialises un souhait en fait. Ouais, c'est ça, ça que tu vois. Exactement. Pensez quoi. D'accord. Bah oui. Ah, je comprends mieux. Mais ce qui est pas mal en vrai. Enfin moi je trouve qu'il se comprend complètement. Bah je trouve ça chouette. Ça ajoute un peu de bah oui de magie au quotidien parce que c'est voilà, je bosse de chez moi, je passe beaucoup de temps chez moi. Du coup, faut que ce soit un peu stylé, sinon je m'emmerde très vite. Voilà, bah écoutez, je voulais en parler un petit peu parce que je trouve ça super intéressant. J'avais vu un documentaire aussi assez cool. Alors bon, là, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais Harry Potter. Bah, c'est fou ce qu'ils font les mecs. Vous savez que ça fait des entrées au Cinoche ce truc. Ouais. Bah, ça marche pas mal, hein. Non, mais qu'en fait, que la sorcière était même devenue un symbole féministe. Ah bah, oui, complètement. Bah, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce que les gens n'ont peut-être pas conscience derrière leur... Je vais en parler. Les sorcières, les libres penseuses, en fait. C'était des libres penseuses. Et forcément, libres penseuses, bah, ferme ta gueule, je te brûle. Mais c'est vraiment ça. C'est les premières combattantes, en fait. C'est les premières forces pures. Et c'est celles qui se sont pas écrasées, quoi. Elles en sont mortes. C'est des héroïnes. Mmh. Des héroïnes. On met pas le... c'est un H. On fait si pas la liaison. Si tu as le droit, car tu es une femme forte ou une sorcière. Ah, t'as raison. Et bah, je dis des héroïnes. Il y a quoi? Non, parce qu'effectivement, elle était considérée, enfin, tu en parleras évidemment mieux que moi, Taous, mais elle était considérée comme sorcière, par exemple, des femmes savantes, juste oui, en fait. Mais les gens en fait, qui c'est étaient... ça, c'était les femmes de savoir et les femmes de pouvoir et les femmes indépendantes. Donc, si tu étais les trois, t'étais dans la merde, vraiment. Mais c'est si t'étais veuve ou célibataire, si tu savais soigner, si tu savais. Alors, en plus, souvent, c'était celle qui donnait la vie, parce que c'était celle qui. Les accoucheuses, notamment, qui étaient les sages-femmes de l'époque, mais c'était aussi celle qui permettait d'avorter, parce que bon, c'était un peu la galère à l'époque. Et du coup, elles avaient un pouvoir de vie ou de mort. Et à l'époque, une femme qui a un pouvoir de vie ou de mort, ouais. pour les hommes, c'est un pouvoir tout court. Même. Voilà, déjà. Et donc, les femmes lettrées, pareil, c'était une catastrophe. Les femmes ne pouvaient pas être médecins. Voilà, Dr. Quinn. Elle a existé. Elle a Elle a fait beaucoup. C'était une célèbre sorcière. Ils en parlent pas assez dans la poule de Dr. Quinn. Elle a fait beaucoup pour vous, quand même. C'est à chaque fois que je dis femme médecin, j'ai mon cerveau complexe. Bien sûr, bien évidemment. Donc oui, voilà, c'était les femmes de pouvoir, forcément des sorcières, forcément. Et ou aussi... alors les femmes qui étaient même sexuellement indépendantes, ou alors t'étais mariée à une meuf et puis bon, tu l'aimes plus trop, puis il y a une petite jeune qui arrive, t'as envie de la ken, ta femme c'est une sorcière. Voilà. Ta non, voisine, ça... ta voisine. Ouais. Te fait chier, t'as une oie qui meurt. Enfin, ah, voilà. Elle a... c'est là où j'allais t'amener, c'est que c'est aussi lié au fait que le moindre petit truc était dit. Ah bah c'est lié à une sorcière, genre il pleuvait. Oui. C'était genre normalement en août il pleut pas. Ouais. Bon bah la voisine est une sorcière. Elle sait écrire la voisine. Bon c'est elle. C'est elle. Mais tu sais que je rebondis sur un petit truc que j'ai appris il y a pas trop longtemps. Alors à vérifier, hein, mais je crois que c'est véridique. Et ça m'a. Ça... Mais toi tu dois être au courant. Arrête ça, ça m'a. Mais si parce que pour moi c'est une encyclopédie. T'as sorti un livre qui s'appelle Witch Please. D'accord. Redescends. Il y avait une maladie qui a été vraiment créée. Il y a plusieurs siècles qui s'appelle l'hystérie. Et l'hystérie, en fait, est un mot qui vient de hystéria, je crois, qui est l'utérus. En fait. Ouais. C'est étymologiquement le mot utérus. Et ça a été créé juste pour les femmes, du coup, comme ça, c'était la suite de la sorcellerie, c'est finalement. Fou, hein. Ouais. Alors, fun fact et autopromo, avant d'écrire un livre sur la sorcellerie, j'ai écrit un livre sur les règles, dans lequel je parle justement... Qui n'est pas une suite, hein, d'ailleurs. Donc tu confirmes, tu confirmes alors. Oui, okay. Et justement, à l'époque de la Grèce antique, ils pensaient que l'utérus était un animal. Qui se promenait dans le corps de la femme à la recherche d'un enfant. Alors, et que quand il n'en trouvait pas, il n'était pas content. Du coup, c'est pour ça que tu devenais taré, que tu devenais hystérique. Alors, excusez-moi, c'est parce j'ai... que ton utérus n'était pas content de ne pas avoir d'enfant. Oui, enfin, les gens croient à des cigognes, donc. Ouais, voilà. Les choux-fleurs, les roses, tout ça. Il y a un super parc d'attractions de cigognes en Alsace. J'aimerais que tu le respectes. Tout le côté hystéria, c'est un peu badant, mais qu'il y a un petit animal qui vit en vous, j'ai envie de voir le dessin animé quand même. C'est mignon. Moi, vraiment, j'ai l'image de Krang des Tortues Ninja. Ah oui, il s'agit du flow de cast. Alors, on a des questions pour vous, puisque j'ai dit effectivement aux auditeurs que vous étiez invités. Une question pour Magla. Magla, le stream français semble très sain de l'extérieur. Vous avez l'air d'être tous potes. Est-ce une réalité ou peut-être un peu plus compliqué que ça ? C'est tous des connards. Ah bah, c'est comme tout taf, je pense. Y a des gens à qui on s'entend moins, mais ça se passe bien. Il y a des petits cercles. En fait, après, moi, je suis un bisounours, donc j'aime tout le monde, même si peut-être des gens m'aiment pas, mais ça, j'en sais rien. Mais oui, non, moi, je suis assez pote avec tout le monde, j'aime tout le monde. Enfin, de base, comme on fait du jeu vidéo, c'est plutôt chill, donc... Non, c'est plutôt sain. Après, il y a sûrement des dramas, des trucs en interne et tout, des gens qui jettent des bocaux de pisse aussi. Hein, ça sert rien. Mais toi, tu t'en protèges, quoi. C'est ça, ouais, ce truc-là. Moi, je m'en protège. Moi, si je vois des gens qui sont pas forcément très sains ou très gentils ou qui me veulent pas du bien, je m'en écarte très vite. Mais du coup, je fais pas de vagues, je dis bonjour et puis voilà. T'as bien raison. Voilà. Émilie, tes courts-métrages sont très ambitieux et prennent place dans des mondes toujours extraordinaires. Serais-tu tentée par des fictions peut-être moins ambitieuses en prod, mais peut-être plus longues, comme un long métrage par exemple? Ouais, je suis en écriture. Enfin, j'écris beaucoup, souvent. Ça me fait du bien. C'est un vieux réflexe que j'ai depuis petite. Et pardon, excuse-moi, okay, tu m'entends mal. Non, et malheureusement, faire un truc moins ambitieux, non. Ouais. Bah, en fait, c'est comme si t'apprenais à lire et d'un coup on te disait arrête. Ouais. Arrête, dessine. Bah, en fait, non. C'est pas parce que c'est dans des. Les gens se trompent souvent sur plein de choses. C'est-à-dire que quand tu fais un cours ou une fiction avec beaucoup d'effets spéciaux, etc., ils ont l'impression que c'est un truc énorme. Et que si tu fais quelque chose, par exemple, dans un truc très contemporain sans effets spéciaux, c'est moins ambitieux. Mmh. Mais c'est faux. C'est complètement faux, en fait. Ça peut te coûter aussi cher si t'as plus de temps de tournage ou si t'as besoin de lieux plus chers, plus de trucs, parce que les VFX, c'était sur des fonds verts, des trucs. Enfin, si t'as la bonne équipe, finalement, ça peut... Les coûts qu'on subit dans la production, et vous le savez aussi bien que moi, c'est que sont souvent trompeurs par les gens qui ne font pas les budgets, qui sont pas dans le métier, et voilà, donc ça veut pas dire forcément qu'une fiction comme Sudéris que j'ai fait coûterait moins cher qu'un Perfect Love, qu'une autre fiction que j'ai fait aussi qui est dans la science-fiction mais qui a beaucoup moins d'effets. Les coûts sont pas effectivement aux mêmes endroits. Par exemple, une fiction avec plein de comédiens peut coûter plus cher qu'une fiction dans un monde fabuleux mais où il y a que trois personnages, par exemple. Tout à fait. Bon, forcément, ça coûte cher, les effets spéciaux, on est tous au courant de ça. Ouais. Mais vraiment, ça veut rien dire. Donc j'aime ça, je voulais le replacer. Et puis vraiment, ouais, forcément, le long métrage, j'y vais. Enfin, j'espère y aller. C'est un vœu. Ce serait vraiment une volonté. Bah, je te le souhaite. Et ce serait, alors, tu voudrais aller sur soit cinéma, soit plateforme, ou t'aimerais rester sur Internet Moi, je crois beaucoup en la plateforme. Ouais. J'aime bien la plateforme. J'aime bien les Netflix, l'Amazon, etc. Je trouve ça cool parce que moi-même, je suis devenue très consommatrice de ça. Je vais plus dans les salles de ciné, par exemple. D'accord. Tu vois, c'est vrai que c'est un truc. Et soyons honnêtes, dans cette période-là, de toute manière, c'est un pari que je préfère avoir puisque on ne sait pas quand la période va s'améliorer, quand le Covid, on va trouver un vaccin ou peu importe. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, les lieux publics sont des lieux dangereux. Donc la plateforme est finalement une bonne solution. Taous, as-tu prévu un nouveau podcast ou est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait ? Alors non, j'en ai pas prévu. Oui, j'ai vachement aimé l'expérience mortelle avec Nouvelles Écoutes. Ça m'a vraiment plu. Est-ce que tu peux dire en deux, trois mots ce qui est mortel parce que c'est un podcast sur la mort. Voilà, tout simplement. mais c'est disponible chez Nouvelles Écoutes, c'est ça ? C'est chez Nouvelles Écoutes et c'est toujours disponible partout, absolument gratuitement. Ça parle de la mort de façon très large. C'est en gros la volonté qu'on avait en créant cette émission, c'était se réconcilier avec sa mortalité et celle des autres. Voilà. Et donc ça part de mon expérience personnelle et je parle du deuil de mon père. Et ensuite, ça évolue et ça ouvre sur des trucs qui ne me concernent pas parce que il paraît que le monde ne tourne pas autour de moi. Je suis assez déçu. Tu m'en apprends une belle. Moi-même, je tombe de l'armoire. Mais voilà, je suis très contente de ce qu'on a fait avec Mortel. Et effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question sur faire un autre podcast. Oui, mais pas juste pour faire un autre podcast. Donc, j'attends de voir si moi j'ai une idée révolutionnaire ou si quelqu'un me propose un super projet. Je laisse faire, comme je fais. Enfin, c'est ce que je fais avec ma carrière depuis le début. Fais comme nous, copie les grosses têtes. Mais un truc sur l'occulte et les trucs comme ça, ça te. Non, j'essayais, j'ai écrit mon grimoire, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. C'est comme les gens me disent, qu'est-ce que tu fais d'autre sur les règles? J'ai écrit un livre, j'ai dit ce que j'avais à dire, je passe pas à autre chose. Pas la peine de prendre ce ton pour imiter les gens. Les gens qui me disent, c'est quand tu fais un nouveau truc? Bah, c'est sympa de leur part de te demander. D'avoir posé la question. Et d'ailleurs, c'est une autre des questions, Taous. Alors, j'ai pas exactement la question, donc je te la ressors un peu pêle-mêle. Est-ce que t'as, toi, déjà été tenté par raconter les trucs qui t'intéressent en fiction ou en vidéo ? Quoi ? Est-ce que t'as déjà été. Ma question n'avait pas l'air si compliquée. Les sujets qui t'intéressent, que ce soit la sorcellerie. Elle est au lit à cette heure-là, normalement. Attends, il est quelle heure ? Ah ouais, je vais me coucher dans 50 minutes. Les sujets qui t'intéressent, comme la sorcellerie ou la mort, ça t'a jamais donné envie de le raconter en fiction ? Genre vidéo. Ah si, voilà. En fiction, si. Bah, j'avais déjà utilisé le mot fiction tout à l'heure. Je traîne dans la boue. Mettons un peu de sauge là parce que. Je vais te mettre dans la tes énergies. Bois ton bocal de pisse et. Donc oui, faire de la fiction. Non ? Non, si. Est-ce que c'est un truc qui pourrait être tenté ? Oui, alors j'en fais. C'est pas encore sorti. Pardon, j'ai un coussin dans le cul. Ça... c'est pas une anguille, ça va. Ça reste à prouver. Je suis en train d'écrire une BD pour la plateforme mobile de Dupuis. Ils ont une espèce de Spotify de la BD où en gros tu payes un abonnement mensuel et t'as accès à toutes leurs BD qui sont vraiment formatées. Enfin, qui sont. Comment dire, mise au format mobile en scrolling. Oh waouh, le vocabulaire, la syntaxe. C'est bien. Non, c'était toi, bien, tu vas te prendre. Ça va se taper devant nous là. Ouais. On va rester de ce côté. On est du bon côté de la table. Ouais, ouais, on risque rien. Bisounours, on est bien. On risque rien. Nous, on est payé à mort. Tu vois ton œil. Elle prend mal tout. T'embrouilles pas avec une sorcière. Qu'est-ce que tu fais? T'es malheureux. Avec les cuillères déjà là. Malheureux. Elle va mettre mon horoscope. C'est bon. Ah, c'est bien une remarque de Sagittaire. Ça. Oh bordel. Non mais en tout cas, la fiction, tu écris une bande dessinée pour. J'écris une bande dessinée sur des sorcières. Oui. Sur une bande de quatre sorcières adolescentes qui font un premier sort pour voir si ça marche, et ça marche. Et sauf qu'elles libèrent un truc qu'elles n'auraient pas dû libérer. Oh, trop bien. Donc voilà. Et je ne sais pas encore quand ça sort, hein, donc voilà, parce que j'ai un peu de mal à l'écrire, ouais. Parce que c'est la première fois que j'écris de la fiction, et surtout le format script BD dur, très dur. Très compliqué. Voilà, donc, mais c'est mon but dans la vie, c'est de me mettre à la fiction, mais c'est pas facile. C'est vachement plus facile de raconter sa vie. Magla, comment tu gères le moment... Comment tu gères le moment quand tu décodes un live où il y a eu de fortes divergences d'opinion, par exemple, ou en tout cas quand tu as par exemple streamé des heures et des heures, est-ce que le moment où tu coupes, est-ce que tu ressens un grand vide ou pas du tout ? Moi, je me mets en coin dans une pièce et je pleure. Non mais c'est vrai que tu t'adresses à des milliers de personnes et d'un coup alors, ça en prend nettoyant énormément les yeux d'énergie. Sur ta porte. Mais ouais, en fait ça prend beaucoup beaucoup d'énergie parce que moi j'ai tendance à beaucoup beaucoup lire mon chat non-stop, que ce soit en session. Alors, je fais toujours des sessions de blabla pendant 2 heures et ensuite je joue. Et c'est vrai que quand je sors d'un live, je suis bien, mais je suis lessivée. Mmh. Et après, il peut y avoir des divergences d'opinion ou autre, mais ça, ça va pas forcément me déranger parce que j'aime bien le débat, j'aime bien partager, donc c'est une grosse discussion avec plein de gens. Et les gens, en général, sont plutôt cool. Enfin, ils viennent pas en mode « c'est mon avis, c'est celui-là, c'est rien d'autre ». Non, les gens parlent beaucoup, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que ouais, je suis lessivée. En général, je fais tout, sauf de l'internet, du jeu ou autre. Je me pose, je me mets dans mon canapé, je lis énormément et je vide ma tête. Mais je peux plus. Après, en général, je suis un légume. Et est-ce que tu penses que on a un chat qui nous ressemble, ou est-ce que tu penses que des trucs comme ça, c'est en vrai, je pense que ouais. Ouais. Les gens ont une commu. En fait, moi, je suis allée chercher une commu que je voulais avoir tous les jours, des gens qui sont intéressants, etc. Enfin, je suis allée chercher. Ils sont venus me chercher aussi. Et de par toi-même, tu as viré ceux qui. Ouais, c'est ça. En fait, tu fais une purge petit à petit. Enfin. Moi je préfère toujours dire, je préfère la qualité à la quantité. Je préfère avoir 20 viewers que 3000, mais si ces 20 viewers sont adorables et me font passer un bon moment, bah je m'en fous d'en avoir plus. Et du coup, bah à force de purger, de bannir, à force les gens ont compris que bon, fallait pas me faire chier, et surtout fallait être plutôt gentil et qu'il y avait une liberté d'expression, etc. Mais faut pas déconner non plus. Du coup non, c'est ouais, je pense qu'on a des communs qui nous ressemblent, et surtout ce qu'on veut trouver sur la plateforme, les gens qui nous intéressent, etc. Après, t'en as qui ont des chats, ça va à volo, le chat il part, c'est ouais. Que des insultes, c'est en majuscules. Ouais. Moi je lis ça, je suis. Donc oui, ouais, c'est vraiment, ça devient un travail vraiment relou quand c'est ça quand même. Ah ouais, non, bah ils lisent pas le chat aussi, je pense. Oui, voilà. On n'est pas forcément beaucoup à lire autant les chats, je pense. Ouais. Quand tu dépasses 500-600 viewers, c'est difficile parce que ça va vite. Du coup, il faut mettre ce qu'on appelle le slow mode où ça va plus lentement. Les gens peuvent parler une fois toutes les minutes, etc. Du coup, ça permet de filtrer. Mais moi, je me suis mise sur Twitch pour parler avec les gens. Donc, de base, je veux Qu'il y a une approche assez saine aussi du stream et qui fait aussi que peut-être tu as un public plutôt cool. Ouais, franchement, ils sont cool. Sauf un. Mais qui se reconnaîtra. Il le saura. Amy, as-tu prévu d'autres tournages? Alors là, en plein Covid, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. En tout cas, l'expérience, est-ce que ça te donnerait envie d'autres tournages prévus dans le cadre de promotion de films? C'est vrai que toi, tu as fait des trucs de malade, quoi. Ouais. Non, mais moi, je me souviens, j'ai vu la vidéo sur Wonder Woman ou sur. Ouais, il y a eu Aquaman en Australie. Aquaman, c'était Aquaman. Oh, ouais, ouais. Qui est assez fou. T'as fait quoi pour Aquaman? Les animaux fantastiques. Ils m'ont envoyé en Australie. Oh, il y a un chat. Oh, le petit chat. Non, minou. Je suis allée en Australie, ouais, pour aller sur le tournage du film. T'as vu Jason Momoa? Évidemment. Alors vraiment, lâche mon bras, les gestes barrières. Tourne-toi vers ta gauche et t'auras l'équivalent français. Oh, salut Taous. C'est Jason Momoa. Vraiment, il a mis son aisselle sur moi, toi. Moi, je suis petite à côté. Non, c'est dégueulasse. Tu t'es pas lavé, hein. Tu n'as jamais lavé cet endroit. Il avait ce truc. Moi, j'ai eu de la chance, c'est vrai, de rencontrer énormément de grosses stars. Genre, vraiment, je suis remplie de gratitude pour ça. Idriss Elba. Merci. Heureusement, j'ai appris à parler en anglais. Heureusement, putain. Parce que vraiment, j'ai appris ça. En fait, je vous donne une vraie astuce. Trop bien. Dans les agences et en tout cas les distributeurs, quand ils font la promotion de films et qu'ils choisissent des profils pour aller, ils vérifient si tu parles anglais et ils ont des A-list, B-list, C-list. Ouais. Ah ouais. Et vraiment, je suis dans la A-list. Oh, je suis là. Oh putain, faut pas que je bouge. C'est et genre un défi. Et Adrien et moi, on n'est même pas dans la liste. Hein. Dans si, t'es vers L. Ouais, vraiment. Dans la L-list. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais disons que ouais, je suis rentrée dedans une fois avec Netflix. Pour rencontrer les actrices de Orange is the New Black à Berlin. Wow. C'était hyper cool. Et en fait, ça s'est bien passé. Et du coup, il y a une espèce de confiance auprès des agences qui se sont dit, on peut l'envoyer, ça passe bien. Et c'est vrai que du coup, l'Australie, c'était fou. C'était la première grosse fatos expérience, quoi. Et puis Jason Momoa, du coup, très, très visible. Non, mais c'est fou, t'as enchaîné quand même. Enfin, Jason Momoa, Idriss Elba. Bah ouais, en fait, Pierre Cross, il y a eu ça. Quand même, Benjamin Verica et tout. Et ouais, donc je suis partie là-bas. Après, je suis rentrée. Ce qui était fou, c'est que je suis rentrée genre vraiment 3-4 mois et on m'a renvoyée à Londres pour le tournage des Animaux Fantastiques. Ça, c'était incroyable parce que je suis une grosse fan en plus, donc ça, c'était fou. Ouais, Idris Elba, il y a Scarlett Johansson, il y a eu Will Smith, il y a eu Jared Leto, deux fois. Je sais pas pourquoi, lui, deux fois, surtout qu'il me fait peur en plus. lui, c'est le genre de mec qui laisse une capote et un rat dans ton frigo. Ah mais tu rigoles, mais oui, il y a eu cette histoire sur Suicide Squad, il avait envoyé des rats morts et tout. Quoi et un peu... Non, mais en fait, moi, j'étais très amoureuse de Snake. C'était le Joker, je vous rappelle qu'il est fou. D'accord, le Joker, il est fou. Acteur studio. Non, mais je pense que c'est quelqu'un de vraiment particulier. Ah oui, mais il est en train de monter une secte. Hein. Il a un petit univers. Mais c'est ça. Et il a un background, d'accord. Non, mais en étant en sa présence, moi, je suis plutôt à l'aise avec les humains et tout. Tu vois, ça va. Mais là, vraiment, il était. J'étais pas à l'aise. Il a une aura. V, il les envahisseurs. En fait. Tu grattes la peau de Jared Leto. C'est un reptilien, tu vois. Donc ouais, non, truc de fou. Et bah le. C'est temps, je réfléchis. Bon, c'est bref, il y a eu plein de trucs, il y a eu Millie Bobby Brown et tout, et c'était trop bien. À chaque fois, c'était des expériences de fou et c'est génial. Donc là, forcément, bah non, j'ai l'impression que ça s'est calmé de toute façon ce genre de promo en ce moment un petit peu. D'accord. Et... Moi, j'en vois quasiment que sur ta chaîne hein, quand même. Ouais, je crois que. Peut-être. Non, mais je veux dire, c'est rare, je trouve. Il y a Sofiane aussi qui avait fait un ou deux trucs, je crois. Sofiane avait fait des trucs, bah David Deraf aussi, ouais. Mais c'est vrai que. McFly et Carlito pour ceux qui. Ouais, pardon. Ouais. McFly et Carlito, ils font des Batman trucs. Batman et Robin. Non, ouais. C'est les noms cachés. Non, mais par contre, pour répondre à ça, un gros projet comme ça pour une marque, là, je. Je sais pas si je dois le dire, mais je crois que oui. Je fais le prochain Watch Dogs, je fais un court métrage sur Watch Dogs. Ah, j'en ai trop bien. Mais c'est un peu une petite fierté parce que c'est la première fois qu'ils accordent à une fille la promotion d'un jeu masculin. Trop, trop bien. Ah, très stylé. Donc j'étais. Hyper cher, j'étais face 4 des hommes, mais j'ai gagné. J'ai gagné. GG, c'est trop bien. Trop cool. Franchement, c'est compliqué comme projet, mais je suis contente. Tu m'étonnes. Je galère, je suis un peu sous Xanax, mais ça. Bon, c'est la période aussi, hein. Enfin, c'est pas. C'est en règle générale. On en parlera après. Magla, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le métier de streamer? Est-ce que c'est gérer le public? Est-ce que c'est la pression financière? Est-ce que c'est l'appel des marques? Est-ce que c'est. C'est difficile enfin, de trouver un truc. Ouais. En fait, c'est vraiment un métier qui est génial. Enfin, je m'éclate tout le temps, je fais plein de trucs et tout. Je dirais le fait de savoir s'arrêter, mais ça, c'est comme tout métier, enfin, tous les AE, tous les freelances, et ça, c'est trouver un temps, en fait, pour soi. Parce attends, que t'es tout le attends, temps. Attends, il y a le Covid en face. Je suis un peu trop proche. Pardon. C'est une miette. Un ongle mais dans la dans ton coca. C'est un nom de code, ça. Mais ouais, non, je pense le fait de s'arrêter. C'est l'un des trucs les plus durs. Parce que quand je prends des jours de repos, bah, je les prends pour faire mes papiers ou pour faire des appels ou pour regarder Twitter pour me dire ah, je vais faire ça ou je trouve des idées d'émissions et du coup je fais des trucs. Et du coup, ouais, le fait de s'arrêter. Et peut-être un peu la charge mentale aussi. De toujours prendre conscience des gens autour, de se dire ah, mais là il y a dit ça et puis peut-être que ça a pas plu. Enfin, moi je veux toujours tout bien faire. Et du coup, j'ai toujours peur de décevoir les gens parce que moi je kiffe et je veux que les gens kiffent. Ouais. Et du coup, je me mets une pression pas possible. Tu fais attention à tes genre tu dis non mais là cette semaine je vais y aller mollo j'ai appris ça sur... y est parce que toi c'est il y a vraiment des emplois du temps alors ce qui est peut-être tout à fait normal sur Twitch mais moi je connais pas très bien la plateforme toi il y a vraiment des emplois du temps assez précis de ce que tu vas faire dans la semaine ouais j'essaye en fait ouais. J'ai mis ça en place parce que bah je le faisais pas du tout avant mais comme cool, ça en fait. Me force ouais. Au moins à respecter des heures et le matin je me dis bah je vais faire mon sport je fais les papiers et l'après-midi je fais mon live et après je ne fais plus rien je déconnecte je n'y suis plus j'ai encore un peu de mal mais ça fait du bien et puis comme ça je sais avec qui je joue ce que je fais etc et puis ça organise un peu la vie quoi sinon c'est vraiment un bordel pas possible enfin je pense que c'est pareil pour vous enfin tu te mets à écrire et puis en fait ça fait 3 jours et puis après ah ouais mais je me repose pas ah bah je vais faire ça donc ouais non c'est le plus dur je pense et est-ce que vous avez la culpabilité du repos toi, ouais. Par oui exemple, de ouf ouais, t'as ouf toi par exemple quand tu travailles pas est-ce qu'il y a un truc de oh. Oui. Ouais, c'est ça. Mais ça, pareil, moi j'ai appris en thérapie d'ailleurs. J'ai appris à. En fait, grâce à la dépression. Bah, qu'on salue d'ailleurs qui sponsorise voilà. Cette émission. quand t'es dépressif, tu fais beaucoup de siestes d'évitement. D'accord. J'évite la vie. D'accord. Et du coup, au lieu de. Tu dis, oh, je suis fatigué, il faut que je dorme. Mais en fait, non, c'est juste, tu dors pour attendre l'heure d'aller te coucher, pour dormir. Ouais. Pour, ouais. Voilà, pour que le temps passe et que tu n'aies pas de responsabilité. C'est soit ça, soit boire. Donc, ouais. Ouais, moi, voilà. Je dormais énormément et je vivais dans mon lit. Et ces siestes-là, je les faisais à chaque fois en serrant les dents de ouf, en faisant du bruxisme, en me disant putain, je devrais être en train de faire ça, je suis vraiment une grosse merde, je suis vraiment une grosse merde. Et j'en ai parlé avec ma psy, elle m'a dit en fait, si vous faites le choix d'aller faire une sieste, c'est un choix, clairement, même si vous en avez besoin, même si vraiment il y a tout dans votre corps qui vous dit vous n'allez pas réussir à être productif, donc allez dormir, ça reste un choix. Si vous faites ce choix-là, vous l'assumez, sinon ça sert à rien. Donc j'ai appris à travers ça, donc maintenant je l'utilise dans des contextes qui sont pas dépressifs, mais j'ai appris à me dire en fait là j'ai choisi de me gratter le cul et de faire des tresses avec mes poils de cul et je l'assume. C'est-à-dire que je vais pas passer ce temps-là à me dire je devrais être en train de faire autre chose. Si je dis je devrais être en train de faire autre chose, autant que je fasse autre chose, parce que sinon ça va être l'enfer et je ne profite pas de mon repos, je ne me repose pas du tout. Donc j'ai appris à, voilà, il y a des jours où je dis aujourd'hui, j'arrive pas à bosser. Tu sais quoi, voilà, aujourd'hui, je m'en bats les couilles, je fais rien, je remets mon jogging, je vais glander devant Netflix, et puis demain, on verra, parce que sinon, je m'en sors pas, en fait. Et plus tu passes de journée à te dire oh, je suis une merde, j'arrive à rien, plus ça va entraîner des journées comme ça, et tu rentres dans un cycle dont tu ne sors pas, et c'est l'enfer. Donc maintenant, quand j'ai une journée, ce que j'appelle mes journées de santé mentale, et ben, j'y vais à fond, je ne fais que des trucs qui me font plaisir. Mieux mais t'as raison, c'est trop bien, et réussir à apprendre à faire ça, c'est difficile. C'est, ouais, j'ai mis du temps, mais maintenant, vraiment, aucun retour en arrière possible, je ne regrette rien, et j'arrête de culpabiliser autant qu'avant, et putain, c'est le paradis. Moi, j'ai du mal encore. Hein. Dès que je me repose, j'ai l'impression de tout perdre. J'ai peur de tout perdre en permanence. Ouais. Et en vrai, je trouve toujours un truc à faire. Donc en fait. Tu te reposes jamais. Non. Il y a un autre truc, pardon, que ma psy m'a dit aussi, c'est que quand on glande, on travaille. Surtout quand on fait un métier artistique, souvent quand tu regardes une série, en vrai, t'es en train de réfléchir à un truc et en même temps tu te nourris de ce que t'es en train de regarder ou de consommer de culturel ou même dans les conversations que t'as avec les gens. T'es toujours en train de te nourrir parce qu'un cerveau artistique, c'est ça, ça engrange de l'information et des petites bribes de vie pour après les digérer et en faire quelque chose de personnel. Mais ça, je trouve ce qui est difficile, c'est que moi, à un moment, mon défaut, alors ça va mieux maintenant, mais c'est que je conscientisais ça. Oui, voilà, c'est ça, faut le laisser faire en arrière-plan. Et en fait, c'est dur de pas le conscientiser. C'est-à-dire que vraiment, quand je regardais un film, je le regardais en mode ah bah c'est cool, je vais. Exactement ça, mais j'en avais conscience de dire je vais choper des infos, je vais avoir des idées. C'est vraiment apprendre à mettre en tâche de fond, quoi. C'est ça, et en fait, quand t'as ça, moi c'est physique. J'ai mes yeux qui se plissent. Quand j'ai l'arrêt du lion tout le temps, moi. Ouais. Je suis comme ça, c'est genre. Comme ça, c'est que c'est que machin. Et quand j'ai cette gueule-là, c'est qu'en fait, je suis pas du tout en train de qui. Enfin, tu prends pas de plaisir. Bah, je prends du plaisir, mais non, dans il le faut travail, avoir la gueule de l'anguille dans le cul du mec. Non, vraiment, lui, il avait les yeux froncés, lui, hein, je t'assure. Hein. 100%. Je t'assure qu'il était froncé, lui. Hein. Il avait l'arrêt du lion. Mais c'est vrai qu'Emmy, quand on regarde ta chaîne, tu j'aime pas le mot hyperactif parce que c'est vraiment autre chose, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Genre, tu travailles et c'est. Hystérique, on peut dire. Non, mais je veux dire, et en plus, à chaque fois, c'est bossé et tout. Toi, Merci beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est un truc qui. Tu travailles beaucoup quand même. Non, mais quand je te dis, c'est pas une blague, quand je dis que j'ai peur de tout perdre. Ouais. J'ai peur de tout perdre parce que c'était la galère avant. Ouais. Et que ça me fait flipper et que j'aime trop faire ce que je fais. C'est hyper stressant, c'est hyper dur, on va pas se mentir. Surtout vous avez connu, enfin vous connaissez la fiction et tout ça et tout ce truc et comment c'est dur et comment je suis toute seule. Oui, mais je trouve que c'est encore plus dur bon, déjà parce que t'es toute seule et t'es une meuf, mine de rien. Oui. Et j'ai pas osé le dire, mais c'est mais vrai. Non, mais autant le dire. Et en plus, aujourd'hui, c'est plus difficile. Enfin, nous, on en fait quasiment, on n'en fait plus, hein, de la fiction sur Internet. Enfin, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que le Groom, c'est de la fiction. Oui, c'est de la série. Pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Je parlais de programme court. Pardon, je parlais vraiment de sketch ou de court métrage. Excuse-moi. Mais ce que... non, mais ce que je veux dire, je te pardonne. Ce que je veux dire, c'est que c'est même moins populaire aujourd'hui. Enfin, c'est. En fait, si tu veux, je pense qu'il faut comprendre et faut accepter l'idée que tu ne fais pas ça forcément pour du viral. Tu fais ça pour faire une carte de visite, une bande démo aussi qui t'emmène ailleurs. C'est du développement ce que je fais. C'est pas, déjà parce que t'apprends ton métier, et même puis d'un vrai, point de vue vraiment très personnel, je trouve ça très cool de proposer un contenu gratuit, tout simplement. Vraiment ça déjà de base, c'est où je suis contente de ça, et je trouve que mon contenu du coup il est directement accessible à qui veut le voir gratuitement, comme ça, sans avoir besoin d'être abonné à quelque chose, acheter une place de ciné, etc. Donc ça me permet moi de toucher des gens que je connais pas, qui me connaissent pas non plus, et ça c'est cool, c'est un premier temps. En deuxième temps, c'est fiction. Et comme tu dis, pardon, je rajoute quelque chose, c'est que t'as raison, on n'est pas censuré. Je peux écrire ce que je veux et tous les fantasmes que j'ai, on m'accorde un budget prod, j'ai cette chance-là, j'en profite en fait, tout simplement, et tous les fantasmes que j'ai, je les mets à l'image. Et ensuite, deuxième temps, c'est d'en fait créer un contenu de développement. Moi ensuite, ces trucs-là, tu vois, je fais Candice Vie, je pense ça avec Jérém Detlo. Ouais. Avec Jérém, on adore ce contenu, on se bat pour aller le vendre. Ouais. Par exemple, on essaye de vendre cette série, tu vois. Et en fait, on fait des pilotes de séries, on fait des trucs, des machins. Et ça nous sert à aller défendre des idées. Et franchement, là j'en parle pas parce que je veux pas me porter l'œil et je touche du bois, mais ça m'a déjà ouvert des portes là, qui j'espère vont rester ouvertes. Mais, mais c'est sans ça, j'accéderai pas à la suite. Ouais. Tu vois. Mais même j'ai l'impression que des fois toi tu te challenges dans tes courts-métrages. Des oh fois, oui. Non mais des fois il y a des trucs dramatiques un peu intenses et en même temps c'est de l'autre. C'est ce que je préfère. Et mais juste après ça peut être un truc d'action où tu dois ouais. faire des cascades et tout. C'est bah, si tu écris en ayant conscience de ça en disant ah là je vais essayer de, oui, de faire un peu autre chose ou c'est quand même d'abord l'histoire. Oui non bah déjà je suis une personne nostalgique de base. Je pense que je suis une personne un peu mélancolique et tout et puis j'ai toujours eu ce truc là depuis petite d'être un peu à côté et je me trouve pas hyper drôle. Par contre je sais que je peux être intense. D'accord. Et j'ai envie de me servir de ça. Et puis je pense que c'est devenu un peu aussi une signature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vient voir ma. Enfin, j'aborde des thèmes qui n'ont pas souvent été abordés sur Internet et puis des styles qui n'ont pas été souvent utilisés non plus. Et en fait, c'est devenu ma signature finalement tout ça. Et je trouve ça cool. Puis je sais pas, j'avais un défi personnel aussi de me dire, vous dites que la fiction un peu, non comique, la non comédie ne fonctionne pas sur Internet. Je vais vous prouver le contraire. Ouais. Ma vie est remplie de défis. Vraiment, ma vie est remplie de défis. Ça vachement bien. Et puis je voulais elle, faire elle l'action. Elle est sortie avec le stérilet dans la main. Elle. C'était moi. C'était le défi. C'était moi. Et puis je sais pas, l'action, je me suis dit, putain, mais il y a pas de truc où il y a des meufs qui se pètent la gueule. Et vraiment, ce tournage, c'était l'un des plus durs de ma life, quoi. Je suis repartie avec des blessures, des vrais, tu vois, des vrais. Et rappelons qu'il te manque un doigt, hein, là tu nous parles. C'est une prothèse. Il est dans la polonaise. Mais ouais, et puis j'ai envie de me tester en tant que comédienne. J'ai pas fait d'école et tout, donc j'ai envie de me mettre en difficulté. J'ai envie de savoir est-ce que je peux le faire, est-ce que je sais pas le faire. Mais je crois que j'ai jamais dit je pourrais pas le faire. Et j'ai pas envie de le dire un jour. J'ai une question pour Adrien. Waouh. Adrien, je suis tes streams dans lesquels tu fais le Pictionary. Ouais. Je t'ai vu poster récemment un strip sur Instagram sans te poser la question qui, je sais, peut t'agacer sur quand est-ce que tu fais de la bande dessinée. Est-ce que tu est-ce que tu prends du plaisir à refaire de l'illustration? Alors, de la déjà, comédie en illustration, je pense qu'il voulait dire surtout. Ouais, non mais déjà de la bande dessinée, j'en ai fait déjà. J'ai notamment j'ai fait 10 pages dans le premier tome de la BD Axolot. J'avais fait avant des BD dans un projet qui s'appelait Les Autres Gens, qui était un truc de BD sur Internet, etc. Donc j'en ai fait. Et rappelle-le, t'étais dans... chez Tcho quand même. J'ai le fait magazine, dans Tcho, le magazine j'ai fait de la BD dans... que je lisais au collège. Bah ouais. Oui, bah, c'était quand même pas la même époque. Hein. J'ai pas 60 ans. Ça a duré longtemps Tcho. Ouais. J'étais dans Spirou, j'étais dans Science et Vie Junior, je faisais des strips tous les mois et tout. Tu donc, connais Tintin? Je connais Tintin personnellement. Je le connais personnellement. Donc la BD, j'en ai déjà fait. Enfin, c'était mon métier avant, en fait. Donc j'en ai fait. Mais la question, oui, bah refaire du sort. Après, moi, le truc, c'est pas parce qu'on fait pas des trucs en live qu'on n'en fait pas. Oui. J'ai jamais arrêté de dessiner chez moi. En tout cas, c'est vraiment cool justement. Je suis content d'avoir trouvé ce format-là sur ma chaîne. De ma chaîne Twitch, de faire un Pictionary avec les gens, c'est-à-dire que c'est eux qui proposent les trucs et ouais, après je les dessine cool. Et c'est eux qui devinent parce que j'ai à cœur de faire un truc où les gens participent en fait parce que c'est ça qui me plaît le plus en fait, qu'il y ait vraiment une interaction et que voilà, j'ai autant besoin d'eux que eux ont besoin de moi pour que, le concept a autant besoin d'eux que de moi, disons. Et donc ça c'est vraiment cool. Mais après oui, mais j'ai toujours envie de faire mon album de BD que j'ai commencé à écrire il y a à chaque fois j'augmente d'un an parce qu'à chaque fois j'en parle. Oui, mais en même temps à chaque fois t'es sur des trucs, enfin tu vois. Voilà, non mais de temps en temps je note des idées de strip que j'ai à nouveau. J'ai les aliens qui atterrissent à côté. Un hélico est en train de. On est dans une de tes fictions. C'est ça. C'est le début du film les gars. Désolé, j'ai tout fait aujourd'hui. C'est encore une des prods de Amy. Un obus qui tombe sur la ville, clairement. C'est la mort. La, on va... Ce bruit de fou qui se passe, quoi. Bon, c'est flippant. Un peu. Non, ce serait génial que ce soit le début d'un film, pardon, mais ce serait génial. C'est cool, ça, à mes yeux. C'est la série de Timothée Hochet. On est dans Pontypool. Qui a la ref? Personne n'a la ref. Pas du tout. Mais Independence Day. J'ai fait une ref. C'est un film d'horreur qui commence dans un film. Est-ce que vous avez vu que le médecin dans Independence Day, c'est la même gueule que Raoult? Oui, Raoult. Ah oui, c'est fou. Ouais, j'ai deux écoles, d'accord. Moi, je dis Raoult. Ah, moi, je disais Raoult aussi. Ouais. Oh, bah, à mon avis, ça se dit Raoult, je pense. Enfin, moi, je disais le pipoteur. Oh ah. Mais d'ailleurs. Mais t'as deux des gens Mais c'est pas ça qu'ils ont fait avec Crustel. Je crois que c'est ça, ouais. Ils font une parodie d'Indépendance Day, Julien Pestel et Mario Crosbo. Mais c'est fou, non? Ouais, ils ont vraiment la même gueule. Je l'ai vu, j'ai cru que c'était une blague au début. Et après, je me suis dit, oh, il est incroyable cet homme. C'est un perso des fake. Non et oui donc je mais de temps en temps j'ai des idées de strip et tout mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre là à mon album et puis de le faire enfin quoi. D'accord. Voilà. Donc février 2021. Alors j'espère peut-être janvier pour aller à Angoulême. Ah allez, c'est trop bien. Putain. Fais le 30 comme ça c'est mon anniversaire. Allez. Oh. Okay, OK. Ah ça marche. Bon écoutez, merci beaucoup. On passe à la dernière étape de cette émission à savoir les recommandations culturelles, quelque chose que vous avez aimé, ça peut être cinéma, télé, bon, pièce de théâtre. Non, d'ailleurs, j'ai vu une question qui m'a fait rire. J'ai vu une question qui dit je suis à Paris cet été, ce serait trop bien que vous fassiez un floodcast live. Donc pour répondre, il y a une pandémie mondiale. Je peux pas te dire mieux, on n'est pas le Puy du Fou, on respecte les limitations, on peut pas faire ça. Donc ouais, des trucs culturels que vous avez kiffé récemment et que vous aimeriez partager avec tout le monde, Magla. Est-ce que je peux en mettre deux? Bien sûr. Yes. Je suis une très grosse de cinéma d'horreur et j'adore les films de Ari Aster, Hérédité, Midsommar et franchement c'est la réalisation et la photo de ces films sont incroyables. C'est des films un peu à l'ancienne. Enfin, Midsommar un peu moins, Hérédité oui, qui va reprendre de vieux codes en fait à l'ancienne avec la photo est superbe, il y a des plans séquences magnifiques. C'est une ambiance très sombre dans une maison avec tout est fait avec les bruits. T'as une gamine qui fait toutes les 5 minutes qui te traumatisent. Et c'est vraiment des films d'ambiance hein, pour le coup. Lui. Voilà, c'est vraiment fou, ambiance, mais tout est beau. La photo est magnifique. Vraiment, je trouve que c'est dans les films d'horreur les plus beaux que j'ai pu voir. Enfin, c'est trop bien tourné. Et Midsommar, c'est un film d'horreur en plein jour. Ouais. Et alors, c'est très lent. Par contre, Ari Aster, c'est très très lent, mais ça vaut le coup. Quand t'arrives à la fin, tu fais oh putain, qu'est-ce que j'ai vu. C'est génial. Et moi, j'aime beaucoup les films lents. Je trouve ça plus sympa. Je parlerai de Marocco, mais moi, j'aime bien en fait. Même. Maintenant avec l'âge je suis ok pour me faire un peu chier un moment ouais. En vrai. Non mais c'est bizarre mais tu vois, tu fais toujours un peu chier mais après en fait tu passes par plein d'états tu exactement. Fais je me suis un peu fait chier, oh mon dieu j'ai flippé et oh j'ai un peu ri et ouais. Là qu'est-ce qui se passe et c'est ça, je trouve ça chouette parce que tu vis vraiment ton film, c'est pas comme t'as que du jumpscare où t'as tout le temps peur, t'es tout le temps sous pression mais c'est pas une vraie peur du coup, t'es pas dans l'ambiance dans le truc et du coup Ari Aster je trouve génial, il va sortir d'ailleurs un prochain film de super-héros apparemment. Ah ouais mais j'entends plein de choses, ouais. Moi j'ai entendu une comédie romantique aussi. Ouais, genre, on m'avait dit super-héros donc je ne sais pas si c'est non, mais c'est très possible, dark, non, mieux. Super-héros qui tombe amoureux. Ouais c'est ça. Et après c'est un film d'horreur. Ouais c'est ça, bon, c'est possible. Mais toi tu conseillerais, moi je conseillerais peut-être Hérédité pour commencer parce que Midsommar ouais, c'est vraiment Hérédité bizarre. Parce que Midsommar est très particulier. Une idée de film là en live. Je l'écris ce soir, je t'envoie. Ouais, Hérédité va plus parler aux gens déjà qui sont habitués avec l'horreur. Midsommar c'est le cran dessus quoi, c'est vraiment fucked up. Et ça dure 2h30. Et ça dure 2h30, c'est très long. Je l'ai revu il y a peu de temps, je fais ah oui c'est vrai que c'est très long. Et d'ailleurs je crois qu'il a dit que son prochain film durerait 3h45 ouais, un truc comme ça. Non là il abuse un petit peu à faire quoi. Un peu long. Un floodcast donc ouais. En règle générale. Sinon j'avais une deuxième. Je lis énormément et j'adore les thrillers et je voulais conseiller Tillier, Franck Tillier, ah oui. Qui est un de mes auteurs préférés. Je trouve qu'il écrit super bien, c'est vraiment bien fichu. Tu ne t'attends pas toujours au plot, chose qui m'arrange parce que des fois je spot en mode mais toi là, j'ai vu. Et du coup jusqu'à la fin je suis en mode je crois que je sais. Et au final non, lui je me suis toujours fait surprendre et commencer par Puzzle où il a des aventures d'un enquêteur qui s'appelle Charcot, une autre qui s'appelle Ennebel et tu vas suivre ça sur plein de livres et c'est trop bien fichu. C'est un peu crade mais c'est vraiment très très très bien fichu. Du genre plus, enfin de cinéma, enfin littérature et cinéma plutôt horreur genre. Ouais, c'est ça. OK. Super. Amy ? Ouais. Je suis là. Je peux passer à Tao si tu veux revenir vers non, toi. Non non, pas du tout. Non non, excuse-moi. Parle bien dans ton micro. Oui. Arrête papa. Ah il me gronde tout le temps, c'est fou. Depuis que je suis petite c'est comme ça. C'est épuisant. Et il dit rien sur ma grande sœur. Il dit rien, il lui dit rien à Taous. Mais aussi, il dit rien à Taous. C'est toujours moi qui prends. Parce qu'elle pisse dans des bocaux dans pourtant. C'est un film. C'est un film aussi. C'est pas trop connu hein, parce que j'ai fait le tour et personne, tout le monde m'a dit eh, c'est quoi. Ça s'appelle I Origins. Alors I comme jeu en anglais. Oui. Ça te parle? Non, non, non. Il avait le mot jeu. Il est bilingue. C'est un film que j'ai découvert vraiment par hasard. Je sais même plus comment, mais je l'ai vu il y a quelques années et j'ai eu un coup de cœur incroyable. Je suis très axée sur les films où j'aime que ça parle. Ça va toi ? Que ça parle d'âme et de science en même temps. C'est ah bon, elle. C'est ton truc toi. C'est étonnant, non ? C'est étonnant. Pourquoi tu dis ça ? Ce livre là, c'est incroyable. Oh ben, aujourd'hui, je donne des exclus. Hein. Vraiment, j'ai jamais été autant ouverte. Et ça s'appelle. En fait, c'est Michael Pitt qui joue dedans, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est un scientifique qui étudie voilà les yeux chez les animaux qui n'en possèdent pas. Et ils se donnent le défi, en fait, de créer la vue, ce sens à ces animaux. Donc, ce sont des vers, là, dans ce film. D'accord. À côté de ça, ils rencontrent une personne. Pardon, mais j'ai vraiment un vers avec deux énormes yeux au-dessus. Mais casse mon délire, je t'en prie. Y a pas de... Respecte pas ma recommandation. Trop mignon. Regarde ce film et on reparle de ça. Mais c'est ça, j'imagine que c'est horrible. En plus. Tu leur mets des googly eyes, tu vois, en mode... Alors, je te rassure, tu les vois pas vraiment. Mais, et à côté de ça, à sa vie personnelle à lui où il rencontre une personne qui elle est complètement dans la spiritualité, qui parle d'âme, etc. Et lui est très dans la science. Et il se passe plein de choses. Et en fait, ça mène à l'iris des humains. Vraiment, toutes ses recherches l'emmènent à l'iris des humains. Et il découvre que parfois, les gens ont des iris en commun. Et alors, à quelles parties sont connectées ? Est-ce que c'est l'âme ? Est-ce que c'est des réincarnations ? Est-ce que c'est tout ça ? Et c'est vraiment un film qui est très lent, pour le coup. C'est pour ça que je te dis ça. C'est très, très cool. C'est... Tout est beau, tout est beau. L'écriture est simple, belle, elle est efficace, le jeu est bon, tout y est, quoi. I Origins, et je sais pour le coup que c'est une découverte pour la plupart, parce qu'il est passé un peu inaperçu, ce film, ouais, alors qu'il est magnifique. Alors je suis un peu dégoûté. Hein. Mais regardez-le et dites-moi. Si, ouais, ça donne envie. Le plot a l'air très cool. Tu l'as vu sur une plateforme ou tu l'as chopé comme Je l'ai acheté. D'accord, ok. Je l'ai acheté sur. J'achète les films qui me plaisent pour soutenir. Taous. Pardon. Les deux, vraiment, on est. Je sens un peu la bougie. Alors vous, de Gwyneth Paltrow. Je me disais, qui pue l'orgasme comme ça autour de la table ? C'est moi. Pas moi. Je pense que j'ai beaucoup joui des essais. Vraiment, énormément. Non, mais j'ai mes règles et du coup, mes hormones sont un peu... Ah, okay. Moi aussi, j'ai mes règles. Allez, allez. Ça va, vous ? Ça va. Et on n'a pas de stérilé. Marocco, c'est une série dont beaucoup de gens parlent en ce moment et à raison parce qu'elle est vraiment très très bien. C'est I May Destroy You, qui est une coproduction BBC HBO, donc créée, écrite, produite et interprétée par Michaela Coel, qui avait été connue par qui s'est fait connaître par la série plutôt comique Chewing Gum avant ça. C'est du grand art, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est touchant, c'est super bien écrit, ça déchire le bide et ça fait rire la minute d'après, c'est extraordinaire. En fait, c'est une autrice qui est agressée sexuellement pendant une soirée, elle se fait droguer et elle s'en rend pas compte tout de suite. En fait, elle met plusieurs jours à recoller les morceaux et à réaliser qu'en fait elle a été violée. Et c'est tout son parcours pour... se réapproprier son corps et sa vie, qu'est-ce que c'est l'après un trauma comme ça. Donc ça parle de choc post-traumatique, ça parle de rapport à son corps, de rapport à la sexualité, de comment tu vis après ça. Et c'est inspiré de l'expérience de Michaela Coel, qui a effectivement vécu un viol dans ces conditions-là. Elle était en train d'écrire la deuxième saison de Chewing Gum et un soir elle s'est dit bon allez vas-y je fais une pause, je vais aller boire des coups avec des potes, et elle a été agressée sexuellement par deux mecs qui l'ont drogué son verre. Et c'est grosso modo ce qui se passe dans la série. C'est pas graphique, c'est pas, il y a pas, enfin il y a des flashs de son violeur, mais c'est pas, c'est pas du. Ça se veut pas choquant visuellement en tout cas. Voilà. Tu sens que c'est écrit par une personne qui sait de quoi elle parle en fait. Oui, voilà. Ouais. Et que le but c'est pas de dire de choquer les gens, c'est vraiment juste voici mon expérience. Raconter l'histoire. Voilà. Ouais. Et voilà, potentiellement ça peut aider des gens qui ont vécu ça. Et je pense vraiment, je parle pas d'expérience parce que je n'ai pas vécu ce genre d'expérience moi-même, mais je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que ça doit faire énormément de bien aux gens qui ont vécu ça, de se voir représenter de cette façon-là à la télévision. De plus, c'est une femme noire, qui est noire foncée de peau, donc qui rentre pas dans les critères des noirs qu'on accepte souvent, parce qu'il y a vraiment la beauté noire qu'on accepte et celle qu'on exotise et qu'on met de côté parce que ils sont vraiment très très noirs quand même. Hein. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant de voir ça, c'est merveilleux de voir que des gens ont su croire en elle et lui faire confiance, et en même temps quand tu lis les interviews d'elle, tu vois à quel point elle s'est battue comme une damnée pour que ce projet lui appartienne entièrement et que à aucun moment on ne lui retire ne serait-ce qu'un tout petit pourcent de pouvoir sur cette œuvre-là qui est 100% la sienne et qui est hyper importante pour elle, et c'est magnifique et vraiment c'est ça fout les poils et c'est je suis très heureuse de vivre dans un monde dans lequel ce genre de série existe en fait. Donc c'est sur OCS j'imagine, HBO non je... c'est... ou en tout cas Canal. C'est sur HBO. Ouais. Si c'est HBO, c'est peut-être sur OCS. Je regarderai, je vérifierai. OCS, pardon. Oui, c'est sur OCS, la plateforme. Ok, super. Et c'est vraiment... Voilà, faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est pas marrant tout le temps, mais c'est pas une série... Je l'aurais plus deviné, ouais. Je m'aurais surpris si à la fin... C'est pas non plus une série qui est hyper sombre et qui traîne dans la boue. Tu dis, putain, tu t'en sors, t'as juste besoin de prendre 6 douches et d'aller t'isoler dans la campagne. Il y a vraiment des moments hyper touchants, hyper marrants, hyper fun parce qu'elle est avec ses potes aussi. Il y a ses relations. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes. Ce qui se passe pour de vrai, quoi. Exactement, c'est hyper riche. Et c'est pas genre, oh non, c'est ma vie a complètement basculé, je vis complètement dans le noir et d'un coup tout est horrible. C'est non, j'ai vécu une expérience absolument traumatisante, mais la vie continue. Ouais. Que tu le veuilles ou non, la vie continue. D'accord. Voilà. Bon, bah très cool. Adrien ? C'est moins... C'est dur de passer après ça. Ouais, un peu, non, mais bon. Moi, c'est... Alors, j'ai deux trucs. Il y en a un, c'est une... Tu vas apprécier, je sais. Ah bon ? Si t'as fait le tour de toutes les vidéos de The Dodo où il sauve des chiens... Ah, c'est ma drogue. Évidemment. Moi aussi. Voilà. Et bah, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Takis Shelter. C'est un grec qui tient un refuge pour chiens et donc c'est aussi des vidéos où il va sauver des chiens et on voit leur évolution et tout, et ils sont vraiment genre t'as l'impression qu'ils vont crever quand ils les récupèrent et puis après tu les vois tout contents, ils remuent la queue et tout. C'est le queer eye un peu des chiens. Ouais, voilà, et donc moi je suis aussi très friand de ce genre de vidéos. Et en plus, le mec est il a l'air vraiment profondément gentil. Bon, après ça, on sait jamais. Mais en tout cas, il a une façon de parler qui est assez réjouissante et tout. Donc voilà, Takis, T-A-K-I-S, Shelter comme un refuge. Takis Shelter sur YouTube, voilà. Et le deuxième, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu d'horreur. Donc, mais c'est. T'as dû en entendre parler. C'est Carrion, je sais pas. Ah, Carrion, ouais. Et qui vient de sortir, non ? Qui vient de sortir, ouais. Alors, moi, je suis pas tellement branché horreur, normalement. Mais donc là, le principe, c'est qu'on incarne une créature dans un labo, une créature multi-tentaculaire. Et donc, le but, c'est de. A priori, j'imagine s'échapper du labo, et donc on chope les, enfin tous les, le but c'est de vraiment tuer les humains, quoi. Et mais c'est cool, enfin c'est vraiment, c'est dur à décrire en fait, mais le gameplay est vraiment trop cool, quoi. C'est vraiment basé sur la physique, donc la créature elle se déplace vraiment. Ah, trop bien. C'est pas un perso qui marche, quoi. C'est-à-dire que vraiment elle se déplace et elle accroche ses tentacules partout. Enfin c'est vraiment trop cool, la façon de jouer est vraiment très satisfaisante. Et donc c'est vraiment trop bien. Moi j'ai commencé à y jouer. Alors là par contre je suis perdu. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai retrouvé 3 niveaux en avant et je ne sais pas comment revenir là où j'étais. Ça reste un. C'est bon un jeu, appel c'est à l'aide. Non, mais je sais même pas comment demander de l'aide parce que c'est juste de dire je sais pas où je suis en fait dans le truc, voilà. Prends la manette normalement, c'est ce qu'il fait. Ouais, genre... Mais pour autant c'est vraiment trop bien, quoi. Vraiment. Un truc assez nouveau et cool, quoi, avec toujours 1000 façons de passer les obstacles, parce que justement il y a un côté, comme c'est basé sur la physique, etc., c'est-à-dire que tu peux choper une grille avec un tentacule, de taper un mec avec, en faisant des... Enfin tu vois, il y a un truc vraiment, ça laisse place à l'inventivité du joueur et tout, donc c'est très cool, avec une ambiance bien foutue aussi, quoi. Voilà. Bah très bien, alors moi j'ai 3 recommandations, mais ça va aller très très vite. Non, mais c'est très rapide. Il y en a un, c'est juste un rappel pour Die dire. Hard 1. Die Hard 3 d'abord et après Die Hard 2. Non, alors bon, c'est parce que c'est un peu d'actualité et en même temps pas vraiment, mais j'ai réécouté The College Dropout, l'album de Kanye West, ouais, qui est trop bien. Enfin, toute la période où de toute façon il est déguisé en nounours. Super période. Ouais, on est d'accord. Vraiment... Tu réécoutes avec les lunettes store. Ouais. Exactement. Mieux sa période gilet pare-balles. Ouais. Moins plus fun à regarder en tout cas. Et non, mais c'est vraiment incroyable. Même Graduation, moi de toute façon, même tout ce qu'il a fait avec. Oh putain, le titre à rallonge où il y a le démon justement. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Bon voilà, tout ça c'est. Tu l'as bien. Tout ça c'est formidable. Mais du coup, j'ai vraiment réécouté The College Dropout et c'est vraiment bien. Et Late Registration aussi. Enfin, les deux sont vraiment chambés. Donc voilà, je vous reconseille d'écouter ça parce que ça fait du bien d'entendre des trucs vraiment bien de Kanye West. et sinon, c'est deux films. Alors, un qui va peu vous étonner, mais c'est King of Staten Island, ouais, voilà, de Judd Apatow. Mais alors, qui bizarrement ressemble moins à Judd Apatow. Que de révélation ce soir. Ouais, c'est ça, on est si prévisible. Non, mais qui est moins, vraiment, hein, moins un film de Judd Apatow qu'un vrai film sur Pete Davidson, qui a vraiment une existence un peu. Qui est vraiment cinématographique. Pete Davidson, c'est un gars qui a perdu son père assez jeune, au 11 septembre, qui était pompier en fait. Son père était pompier. Et donc l'histoire raconte plus ou moins la même chose, sauf qu'ils disent pas que c'est le 11 septembre, mais son père est mort, son père est pompier, et lui c'est un peu un loser, et donc il essaie un peu d'exister auprès de sa mère, donc qui est veuve, en étant un peu un raté, et en ayant un peu le fantôme d'un père qui est un héros pour toute la Terre, et que lui est une merde, quoi. Donc c'est bizarrement pas si drôle, parce que Judd Apatow, les gens peuvent s'imaginer des trucs très rigolos, parce que c'est très rigolo d'habitude. Là c'est vraiment plus un drame... avec des blagues qu'une vraie comédie, quoi, parce qu'on sait que même Funny People, c'est des fois c'est très premier degré et pas très rigolo, mais là c'est vraiment vraiment il y a peu de blagues, quoi, c'est vraiment triste à regarder, ça dure 2h20 donc faut avoir envie d'y aller, mais on, moi j'aime bien parce que du coup on passe du temps avec avec ce mec là qui est complètement paumé, c'est bien les longs films, ouais, puis lui il est vraiment paumé, donc du coup il est assez touchant, tu sens que c'est lui, enfin tu sens que la différence entre le personnage et ce qu'il devait être à cette époque là n'est pas très différente, c'est la nouvelle, enfin Judd Apatow maintenant il fait ça beaucoup, il rencontre des artistes, il a fait ça avec Amy Schumer, et en gros il leur demande d'inventer ce qu'aurait été leur vie s'ils n'avaient pas rencontré la comédie. Je trouve que c'est une façon extrêmement intéressante d'écrire des histoires. Il a fait ça avec Amy Schumer et là il fait ça avec Pete Davidson, en disant là, clairement la comédie t'a sauvé, parce que Pete Davidson c'est un mec qui fait du stand-up, qui fait des roasts d'ailleurs aussi. Il est bipolaire aussi, non, il me semble. Je crois qu'il a, en tout cas il a des troubles, je mettrai pas des mots parce que je les connais pas, mais je sais qu'il a des troubles, c'est peut-être bipolaire, je crois qu'il je sais est plus. Bipolaire, c'est très possible, il a vraiment quelque l'air pas très très très facile à vivre, ouais, puis il a eu plein d'histoires, oui, il est sorti avec Ariana Grande, enfin tu vois, il était à la une des tabloïds et tout, donc il y a aussi son stand-up que je vous conseille sur Netflix, mais en tout cas King of Staten Island c'est bien parce que c'est beau, en plus c'est un vrai beau film. Et alors c'est un peu déprimant, mais c'est assez chouette à regarder, ça fait du bien. Et puis alors en France c'est chouette parce que pour le coup il sort au cinéma, donc si vous voulez le tenter avec un masque évidemment, il sort en salle, cool. Et c'est ce qui est le cas dans très peu de pays. Aux États-Unis par exemple il est sorti directement en VOD, donc vous pouvez à le cause voir du COVID. À cause du Covid, oui bien sûr, ouais. Oui, à cause du Covid partout dans le monde. Et en France je ne comprends pas même pas pourquoi les Apatow continuent de sortir au cinéma alors que personne ne va les voir, mais là il est dispo au cinéma. Et en film français il y a le film Felicita de Bruno Merle avec Pio Marmaille et plein d'autres acteurs dont j'ai oublié les noms, mais super film, comédie dramatique, super fraîche, vraiment ça fait trop plaisir de voir ce film là, c'est drôle, c'est émouvant, moi j'ai versé ma petite larme, mais en même temps c'est très beau et c'est un petit film, hein, faut pas s'attendre à un énorme truc, mais c'est très plaisant à regarder, donc soit vous allez en salle s'il passe par chez vous, soit vous attendez qu'il arrive en VOD, mais voilà, Felicita de Bruno Merle, King of Staten Island de Judd Apatow. Bon écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir invité l'invitation, d'avoir accepté l'invitation, pardon, c'était très cool. Petit tour pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, donc Magla, toi t'es sur ta chaîne Twitch, ouais sur, c'est ça, Twitch et YouTube, surtout Twitch, avec du coup des nouveautés à la rentrée comme tu nous as dit, ouais, une petite émission d'horreur qui arrive trop bien en plateau, ça va être chouette, super. Amy, Bah, principalement sur YouTube, ouais. T'as une série là que t'as lancée? Ouais, il y a une série, ouais, tout à fait. Ouais, on a tenté le format court, on s'est fait un peu plaisir parce que c'est vrai que c'est pas un truc auquel je suis vachement habituée. Et j'ai un super partenaire qui m'accompagne là-dedans, donc c'est génial. Et on s'amuse beaucoup. Donc là, ouais, on a prévu cette diffusion tout l'été pour histoire d'avoir voilà, une diffusion. Voilà. C'est une petite série quand même, c'est cool. Non, mais en plus. Oui, c'est une petite série cool et tout. On s'est vraiment amusé à la faire, à l'écrire, à la jouer. On s'est vraiment marré. C'est un projet qui me fait du bien parce que c'est un peu plus léger et un peu moins engageant que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est une série qui plaît. On a des super retours. Je suis hyper contente. Franchement, je suis trop contente. Et franchement, on s'éclate. Donc pour l'instant, il y a ça. Et puis à la rentrée, il y a des surprises. Teasing. Il y a peut-être un dessin animé. Oh, je l'ai dit. Je peux plus reculer. Ça se trouve non. Il est en production très avancée. Bon, trop bien, ouais. Super. J'avais pas fait encore. Ah non, bah voilà, t'as testé de nouveaux trucs. Oui. Tu es encore challengé. Mais le format court, moi j'adore ça. Enfin, en plus à écrire, je trouve que c'est très rafraîchissant le format court. Moi, chaque fois que j'avais des gros trucs un peu relous à écrire, j'ai eu la chance dans ma vie à ce qu'on me propose des formats courts et ça m'a tout de suite remis du sang neuf parce que t'as le cerveau qui cherche que de l'efficacité très vite. C'est ça. Et c'est super. Bon, j'adore écrire ça des formats courts. Ça m'a fait du bien, mais par contre, tu vois, pour les gens qui sont des habitués de ma chaîne, qui suivent depuis longtemps, ils étaient là. Bah attends, c'est où le début, c'est où la fin? Ils sont paumés parce qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir, des courts-métrages avec une histoire complète que là, j'ai eu du mal à les catcher au début où c'était un peu genre, on comprend pas. C'est dur d'éduquer aussi sa chaîne YouTube, je trouve. Les gens maintenant, quand ils ont un format qui leur plaît, c'est du. Nous, à Golden, alors nous, on l'expliquait parce qu'il y avait plein de gens différents, donc si tu t'es abonné pour Hakim Omiri et que d'un coup t'as un sketch de Vincent Tirel, enfin tu vois, ou inversement, ça peut être très perturbant, mais c'est vrai que même moi à moindre mesure j'observe ça chez McFly Carlito parce que des fois je leur trouve des concepts, ouais, le public peut être un peu mal élevé quand même des fois. C'est vrai, c'est bien de. Faut pas oublier que c'est des contenus gratuits qu'on met à disposition et que c'est du divertissement. Ouais, ouais. Mais après, franchement, pour être honnête, je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est que ma communauté est très bienveillante. Pourtant, ils sont très nombreux. Et puis ça hein, s'éduque, mais... hein. Puis ça, c'est comme d'hab. Mais parce hein, que tu dois. Tu montres quelque chose de bienveillant, tu montres que t'aimes bah, ça. J'espère, et coup, ça peut, j'espère les gens mais te le renvoient, en fait, je suis contente de ça. Vraiment, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a même, moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment dans les commentaires, les gens qui se donnent des conseils entre eux et tout. Je ah, c'est trop mignon. Et tu sais, qui interprète mes films. Alors, ah. Ça, c'est ma passion. C'est génial, ça, c'est ma passion parce que c'est ce que je fais quand je regarde un film, d'aller voir les explications, les interprétations des gens. Et là, je vais dans mes commentaires et les gens disent en fait, il s'est passé ça au début parce que c'est pour ça qu'elle a dit cette phrase tellement. Moi, je suis là, ah, c'est trop génial. C'est pour ça que je fais ça, putain. Trop cool. C'est trop bon, ça. C'est trop bon. Stylé. Ah. Alors que moi, les commentaires, c'était ah, il y a sperme, c'est Flaubert. Taous, oui. Donc Witch Please, toujours dispo sur fait. Amazon, en librairie partout. Aussi, évidemment. Ouais. Partout. C'est vrai que je le vois, franchement, je le vois partout. Ouais. Donc, tiens, c'est vraiment, il est bien distribué, c'est trop bien. C'est, il est déjà reparti une fois en réimpression et wow, probablement. Félicitations, c'est trop bien. J'en suis très contente. Et sinon, bah, en attendant, je suis sur Patreon. Bah, c'est payant par contre. Ouais. $6.66. Faut dire que t'as un projet aussi assez prenant en ce moment à la maison. Donc, voilà, voilà, j'ai un enfant de 5 mois. Donc voilà, il y a ça. J'ai. Et tu travailles sur de nouveaux trucs ? Voilà, je travaille donc sur l'adaptation. On en a parlé ou c'était en off qu'on en parlait ? Peut-être on en a parlé je en sais off. Plus. Mais je crois que c'était en off. Je crois que c'était en off. Je travaille sur l'adaptation en livre du podcast Mortel que j'animais donc, chez Nouvelles Écoutes, qui sera donc un livre sur la mort. Et avec la même promesse que le podcast, qui est donc se réconcilier avec sa mortalité et celle des autres, Inch'Allah. Mmh. C'est difficile comme projet, mais on va essayer. Et En plus, c'est super ça, parce que ça peut non seulement amener un autre public à ton podcast, oui, parce que voilà, c'est un thème qui, même si on connaît pas le podcast, peut être super intéressant. Et puis, ah oui, si, à côté, je fais une mini série avec Netflix sur leurs réseaux sociaux pour parler des femmes puissantes et magiques dans l'univers des séries Netflix. Donc, il y a une première vidéo sur Nimue de la série Cursed qui est sortie, et on en prépare deux autres, là. Oui, parce qu'il y en a pas mal chez cool. eux, entre ouais, Sabrina mais il y en a qu'il y aura que trois épisodes. C'est vraiment une mini-série de l'été, donc on doit tourner encore deux épisodes et après terminado. Trop bien. Ce qui est déjà bien. Bah ouais. Non, mais tu ouais, présentes ouais, ça comme un petit truc, c'est génial. Ouais, non, mais non, c'est pas un petit c'est truc. C'est génial. Hein. C'est absolument charmé, en fait. Très cool. Je suis très contente d'avoir fait ça. Vraiment très contente qu'ils m'aient contacté. Et puis en plus, l'équipe est hyper chouette, donc ça se passe bien. Parce que quand tu te fais contacter par une grande marque, parfois tu te dis. Ça, c'est la chier. En fait, non, ça va. C'était vraiment très oui, ils te connaissaient bien. Enfin, ils savaient ce qu'ils allaient chercher. En plus, ce qui est très marrant, c'est que vraiment, c'est une agence qui bosse pour Netflix qui est passée. Et c'est une agence qui a essayé de me recruter il y a de nombreuses années. Et en fait, la personne qui bossait dans cette agence a quitté l'agence pour aller bosser chez Netflix. Et du coup, on se retrouve tous. Ah, c'est génial. Donc, vraiment, le milieu consanguin de Paris. Hein, c'est ce qui rend les choses assez faciles, c'est qu'une fois que tu as un pied dedans, bah, tu retombes. Ça peut revenir. Voilà, tu retombes souvent sur les mêmes personnes. Quoi. Pas toujours, mais oui, ça peut arriver en tout cas. Ça peut et arriver. Parfois, c'est des années après. Et là, ouais, tu te dis ah, j'ai bien fait d'être sympa avec cette personne. Donc, voilà. Trop bien. Adrien, tu as toujours ta chaîne Twitch ? Oui, toujours, même si là, dernièrement, j'ai plus trop streamé. C'est les vacances, et oh. C'est oh, surtout la déprime, mais, mais ça revient petit à petit, là. Je m'y remets. Sinon, bah, toujours Derby Girl à la rentrée qui va enfin sortir. J'ai une toute petite apparition dans Calls, la dernière saison. Donc, c'est une toute petite apparition, mais je suis. Enfin, pas apparition du coup, parce que c'est audio, mais intervention. Mais je suis trop content d'avoir tourné dans Calls. Tu nous raconteras, carrément. Ouais, bon, après, c'était. Oui, non, c'était, mais ça doit être particulier, ouais, ouais. Non, mais ouais, ouais, image, tout ça. Non, mais c'était cool, surtout que c'est dans un registre. C'était Calls. Comment ? Non, c'était cool, c'était cool. C'était cool, ouais. C'est un jeu de mots, en fait. Ouais, ouais, bah, on en a fait 2-3 hein, quand même. Ouais, j'ai entendu. Non, mais c'était. Ouais, c'était vachement intéressant. Et surtout parce que c'est un registre auquel j'étais pas habitué, parce que c'est pas du tout de la comédie, c'est un truc assez dramatique sur un sujet lourd et tout, donc c'était cool d'avoir fait ça. Et puis sinon, il y a des je croise les doigts, des projets, des petits projets cool à la rentrée dont je peux pas parler, mais voilà. Bon, trop donc, bien. Et puis des vacances, j'espère. Trop bien. Et puis, et toi alors? Et ben moi bah, y a toujours le spectacle de Baptiste Le Caplain que j'ai coécrit, où on attend un petit peu. C'est normalement. J'ai coécrit avec lui. Celui qui est sur Amazon? Non, qui va jouer sur scène. Oh. Mais du coup, on est un petit peu dépendant inédit de la pandémie mondiale. Ah, bah, oui. Mais donc, on attend de voir. Mais normalement, il y a des dates à Paris en décembre. J'adore. Et il y a quelques dates normalement un peu partout en France. Donc, on espère que ça va pouvoir être joué. Mais si c'est pas le cas, ce sera en 2021. Et puis, c'est pas grave. Enfin, voilà, on verra bien quand. En tout cas, le spectacle est écrit, il est rodé. Et moi, je le trouve cool. En tout cas, j'en suis fier. Donc, j'espère que son public kiffera et qu'on aura d'autres gens que son public. Enfin, que ça amènera un autre sûr public. Mais en plus, dans le concret, moi, il y a ma bande dessinée qui sort le 16 septembre qui s'appelle Oli et l'Alien. Donc rien à voir avec Big Flo et Oli, mais pas mais ouais, Oli et l'Alien qui est comédie d'aventure. Mais j'ai tourné une vidéo là hier pour en parler un petit peu plus. Je pense que je ferai aussi un épisode du Floodcast parce que bon, autant faire sa propre promo. Et effectivement, la BD sort le 16 septembre, donc elle est déjà en précommande partout, mais elle sera dispo en librairie et tout. Alors on va faire des dédicaces, mine de rien, Delcourt, c'est chez Delcourt. Le cours m'a dit qu'on allait en faire. Alors les conditions sont particulières. Il y a des mecs avec des vitres comme au Puy du Fou. Bah, y a des entre vitres, chaque. En l'occurrence, il y a des vitres, il y a des masques et compagnie. Mais évidemment, on va faire ça dans le respect effectivement des gestes barrières. Mais tu envoies les dédicaces par texto. Ouais, non, mais je voulais quand même faire des dédicaces, même si forcément ce sera particulier, parce que vous connaissez, c'est une des rares occasions quand même de rencontrer le public. Bah, ouais, donc on va quand même faire ça en faisant très très attention. Il y aura du gel pour tout le monde, les masques seront obligatoires et tout. Mais on va essayer de faire des dédicaces. On en a déjà une ou deux de programmées. Je sais qu'il y en a une à Lyon. Je ne dis pas encore la date avant que ce soit fait, mais il y en a une à Lyon, il y en aura une à Paris. Et voilà. Mais sinon, c'est chez vos libraires dès le 16 septembre. C'est déjà en précommande Amazon, Cultura, Leclerc. Enfin, vous connaissez la FNAC. Vous connaissez. Bah, félicitations, c'est génial. Ouais, c'est cool. Bah, j'espère que ça plaira aux gens. Je vous enverrai des exemplaires. J'adore le nom. Ouais. Voilà. Bah ouais. J'aime bien comment ça sonne. Moi, j'ai vraiment grandi avec l'allitération. Exactement, exactement. Mais je après, des mots, c'est mon. Non, mais c'est ça. Mais après, t'es content, tu fais des allitérations, puis on te fait. Après, on fait. Ah, c'est Big Flo et Oli. Ah ouais, merde, c'est raté. Mais bon, pas grave, par l'audition. Ça reste dans l'esprit des gens. Ça rentre dans l'esprit des gens. Oui, mais tu les bannes et après, ça te fait ton public. Comme exactement. Tu pisses dans le vocal. voilà, et une série aussi qui arrive en... Ah, j'ai pas dit la date, mais là j'ai dit une première lettre de la date, donc du coup... Ça... Ouais. Mais bon, une série qui arrive à la rentrée sur Canal+, qui s'appelle La Flamme, avec Jonathan Cohen, co-écrit avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland, et avec au casting Jonathan Cohen, Léla Becti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Pierre Ninet, François Civil, Gilles Lelouch... Bon, on va tous rentrer. J'étais en primaire avec François Civil, tout simplement. Tiens non. Ah, j'étais très amoureuse de cet homme. Sa sœur était une de mes meilleures amies. Incroyable. Je lui ai torché le nez. Voilà. Chance. Torché le nez civil. Bon, voilà, une série qui arrive sur Canal à la rentrée, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans cette émission. Bah, merci beaucoup en tout cas, et puis bah, merci d'avoir accepté l'invitation, et puis bah, à très bientôt. Ça fait deux fois qu'il dit merci de l'invitation. Il est 3h30 du matin. Hein, et puis bah, prenez soin de vous. Au revoir, ciao tout le monde. Salut. Vous avez fait un peu un salut de Friends. Ouais. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.